Rosy est missionné sur le dossier, peut-on en conclure un grand prix? Oh, chien. Le derche. Il frite de chez Burger King. Je viens de ronter, je crois. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Racing Café, on espère que vous allez bien. Écoutez, visiblement, le fait de parler du Dakar fait fuir nos chers camarades, donc écoutez, tant pis, hein. On vous consacrera encore une heure et demie sur les Original by Motul, sur le Dakar 2026, comment va le A? Eh ben, bonsoir Michael, bonsoir à tous, le A va très bien. Et en plus, tu sais que ce soir, je me dirai, les Malmoto, on a quand même bien présenté le projet la semaine dernière. Au pire, on dira, bah, regardez le replay, on en parle vraiment comme des tarés. Et ce soir, on va y aller moins fort sur les Malmoto, mais si tu veux qu'on lance le sujet, il n'y a pas de souci. Ah non, mais nous, de toute façon, voilà, c'est devenu notre catégorie préférée. Donc à un moment donné, voilà, on est à fond là-dessus. Hein. C'est formidable. Bon, merci à Dabker, l'Alsace Nation qui se sont abonnés. C'est très gentil de votre part. Je regarde si d'autres personnes n'ont fait pas encore. Mais écoutez, la journée, la soirée avance tout doucement. Ne vous en faites pas. Mais effectivement, ce soir, bah, évidemment, le Dakar, hein, qui est encore une fois au centre de l'actualité. Puis profitez-en parce que la semaine prochaine, c'est la dernière fois qu'on en parlera. Et après, bah, faudra attendre un an. Hein, finalement, vous. Il reste deux jours. Hein, voilà. Il reste deux jours. Après, c'est terminé pendant un an. Merci Fodicis pour l'abonnement et le Prime, c'est gentil. Mais du coup, on vous parlera aussi des autres manches du W2RC. Mais vous voyez que c'est moins. Il y a moins de trucs à dire, hein, sur Abu Dhabi et toute la clique. Mais donc le Dakar. Il y a moins de trucs à dire. Oh là là là là là. Oh là là là là. C'est terrible. MMG qui dit on parlera d'Africa et Corée, au pire. Oui, alors. Oui. Ouais, mais c'est fin du mois, c'est pas maintenant. Oui, puis tout le respect pour l'Africa et Corée. En face, il y a 24 heures de Daytona, le rallye Monte Carlo, les essais de la F1. Bon, voilà, hein, ça va être compliqué. Le peloton n'est pas aussi alléchant qu'au Dakar, si je puis me permettre. Merci le sondier pour l'abonnement, c'est très gentil. J'adore le Dakar, dans 2-3 jours, il n'y aura plus d'écoute de car. Bah, dans 2 jours, hein, clairement, là, on est, là, c'est factuel. Allez, on compte, hein, le dimanche avec le podium. Bah non, en plus, hein, ils font tout samedi. Ah, ils font tout samedi. Ouais, en fait, je donne d'avance un craquito à David Castera. Parce que lui, la journée du samedi qui se tape, David Castera, c'est même pas faisable. Ils font la spéciale le matin, donc spéciale de 100 bornes, hein, c'est histoire de dire on en a fait une. Ils font la spéciale le matin, et après, David Castera, il accueille chaque concurrent sur le podium final. Un par un. Ouais. Sous le soleil. En finisher, il est là pendant 6h30 à peu près, sur le podium d'arrivée. Il dit bravo, c'est super, bravo, t'es vraiment beau, et voilà. Et après, et ben, il anime la cérémonie de remise des prix aussi, tant qu'à faire, parce qu'au point où on en est. Donc il fait une journée, David Castera. Mais non, le samedi, là le samedi soir, cérémonie de remise des prix, et le dimanche matin, tout le monde dans l'avion. Et c'est la fête. Non, c'est vraiment... C'est rapide, mais c'est une grosse soirée. Hein. Castera fait quoi pendant l'étape de Hongrie? Il survole le rallye. Voilà, il dirige la course, donc il survole, il regarde si quelqu'un n'est pas perdu, s'il n'y a pas de soucis, il regarde aussi de temps en temps si les règles sont bien respectées. Voilà, hein. David Castera, il est très occupé pendant tout le Dakar, lui. Hein. Lui, autant vous dire que... Lui, c'est même, je pense, 3 semaines, parce que t'as quand même beaucoup de prépa avant, mais... Je pense que pendant 3 semaines, il dort pas. Et après, il dort 10 mois et puis il se réveille pour après. Et encore, avant, maintenant, il est encore impliqué sur tout le championnat du monde, parce que le championnat du monde, c'est lui qui gère, le W2RC. Mais avant, en plus, il était aussi directeur de course du Rallye du Maroc en octobre. Ouais. Et donc, il s'arrête jamais, en fait. Voilà. Et là, il a revendu le Rallye du Maroc. Et c'est Marc Coma et Luc Alphand qui s'en occupent désormais. Mais c'était... Non, mais le mec, toute l'année... Parce qu'en plus, le Dakar, bon... il fait les recos. Il faut, bien sûr, c'est lui qui fait les tracés. Hein. C'est de la folie. Hein. Ça, c'est un job à plein temps. Ça, on vous le garantit. Ah oui, bien sûr. Et lui, franchement, pendant le mois de janvier, il dort pas beaucoup, David Castera, mais il est toujours là, toujours dispo. Et franchement, chapeau l'artiste. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Déjà, bah écoutez, commençons l'émission. Attendez, ça fait genre 5 minutes qu'ils sont à l'antenne, ils commencent déjà, non? C'est louche. Bah mais écoutez, on est là, on est en speedrun en ce moment du Racing Café, on aime bien ça. Parlons évidemment du Dakar, c'est parti. Montoya, un seul arrêt. 12. Dakar, mais pas que, hein, parce que ce sont les résultats du week-end. Il n'y a pas eu que le Dakar ce week-end. Il y a eu aussi de la Formule 2 dont on parlera tout à l'heure. Mais le Dakar, évidemment. Alors, le A, tu voulais nous citer, nous, en tant qu'experts, parce que nous sommes les experts de sport automobile. Exactement. Des grands experts, et on l'a encore prouvé. Du moment, à partir du moment où on fait un podcast, nous sommes considérés comme des experts. Hein. Exactement. En plus, on fait podcast plus, du coup, live sur Twitch et YouTube, donc nous sommes des experts. Hein. Et je tenais à noter quand même notre niveau d'expertise qui est vraiment très intéressant. Je vous invite vraiment à suivre tout ce qu'on fait. Mmh. Parce que la semaine dernière, on avait dit que Toyota et Ford allaient rouler sur tout le monde et qu'ils allaient gagner une étape. Et ben, c'est totalement faux. On a eu l'idée. On a eu du pif. Merveilleux. Si vous voulez des pronos et parier, appelez-nous. Hein. C'est prodigieux ce qu'on a fait. Je rappelle évidemment que c'est dans cette émission, ici même, qu'on vous a dit que jamais Johann Zarco n'allait remporter un Grand Prix en MotoGP. Deux jours avant qu'il ne remporte le Grand Prix d'Australie à Phillip Island. Donc encore une fois, on est très très bon ici, c'est important. Mais là, c'était catastrophique. Nasser Al-Attiyah qui sort un petit peu du bois. Mais alors, moi, c'est là où je trouve quand même que Nasser est très très fort. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut le reconnaître. La Dacia n'est clairement pas la voiture la plus rapide cette semaine, et sur ce Dakar. Clairement, la nouvelle Toyota a pas mal de rythme, et la Ford est vraiment très impressionnante. Mais en attendant, Dacia, il n'a pas eu de soucis depuis le début du rallye, ou en tout cas pas de gros soucis. Il gère sa monture, il gère sa barque, et il débarque à deux jours de l'arrivée avec 8 minutes d'avance au général. C'est pas encore confortable comme avance, mais vaut mieux 8 minutes d'avance que 8 minutes de retard. Donc, la Dacia est rapide dans les dunes. Alors, oui, elle est rapide dans les dunes, mais même à part ça, regarde, il y a une seule victoire d'étape pour Dacia pour l'instant. Qu'est-ce qu'il disait en interview que Nasser avait des balls comme jamais? Je ne sais plus du tout, mais j'ai entendu ça. Oui. Qu'est-ce qu'il disait ça? J'ai regardé une interview où il disait, mais c'est le seul qui passe comme un taré et il a une paire, mais énorme, parce que tout le monde ralentit et lui, il passe plein de boue. Mais sur un certain. Je ne sais plus à quelle étape c'était. Quel spécial c'était. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il a des balls, effectivement. On peut, et c'est là, je pense, où ça joue quand même sur la perception du truc. Parce que tu en as certains qui vont dire, ah oui, oh, il a du courage, le garçon. Alors qu'en fait, je pense qu'une grande partie de ce qu'il fait vient aussi de sa connaissance du terrain. À un moment donné, Nasser Al-Attiyah, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les dunes. Il sait parfaitement où mettre sa voiture, comment gérer ça. Tu peux le piéger, Al-Attiyah, tu peux le piéger sur des pistes, tu peux le piéger sur des points stop, ça on l'a vu, au Maroc. Mais le piéger dans des dunes, c'est quasiment impossible. Et on l'a vu, hein, il y a 2-3 jours, ils ont fait tous une séance de jardinage assez monumentale. Avec le requin, ils ont trouvé la bonne trace directement. Tac, tac, on est passé, il n'y a pas eu de souci. Il a repris la tête du général à ce moment-là. Donc, voilà, il sent le truc. Et ce serait très fort, là je dois dire que ce serait très fort s'il parvenait à gagner ce Dakar, parce qu'encore une fois, Dacia, bon, ils sont pas mal du tout, hein, je veux dire, les 4 sont dans les 15, donc c'est clairement pas déshonorant loin de là, hein, c'est plutôt bien, ils ont 2 voitures sur le podium, donc à un moment donné, mais si on regarde réellement la dynamique jour par jour, tu peux pas dire que c'est les Sandriders qui sont les plus rapides. Surtout quand tu prends le début du Dakar, hein, tu prends les 4-5 premiers jours, ils sont, enfin je dis pas qu'ils sont à la rue, mais ils étaient plus près du top 10 que sur un podium, quoi. Mais c'est ça. Tu prends Loeb qui crève toutes les 5 minutes. Après, il se dit, ouais, je roule qu'à 20% parce que je peux rien faire. Il était beaucoup plus loin au début du Dakar. Et là, finalement, on se retrouve avec deux Dacia, donc premier et troisième, avec les Ford. Et malheureusement, les Toyota qui sont loin derrière. Hein. Ah bah quand tu dis que c'est Toby Price qui est le premier des Toyota, ouais, t'as compris le truc. Hein. Bah en fait, c'est juste que Toby Price est resté à la même place depuis le début. Hein. Oui, ça, lui, il a fait son rallye normal. Hein. Lui, il a une heure, normal. Mais c'est à une heure légitime. Il n'y a pas de risque, c'est vraiment, il s'est pris une heure. Et pas de peinard, rien. Hein. Et après, on dit, Loeb a crevé plus tôt, de la direction s'était cassée, il a toujours son talent de malchance. Alors, après, c'est toujours le truc avec Sébastien sur le Dakar, moi je continue de penser que c'est une énigme, parce que, soyons honnêtes, il a 18 minutes de retard à 2 jours de l'arrivée, ça semble très compromis, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, il y a encore une grosse étape vendredi. Mais sur le papier, ça semble quand même être difficile d'aller chercher la gagne. Pour moi, il faut sécuriser le podium. Hein. C'est ça, il ne faut pas prendre de risque, parce qu'il n'y a que 3 minutes sur Ekström qui est en pleine bourre quand même, hein, depuis le début du rallye, mais qui va ouvrir demain, donc potentiellement, Lob va pouvoir remonter un peu parce que Lob, il fait dixième de l'étape. Donc lui, il va partir un peu plus loin. Merci Gaspatchet pour l'abonnement. Enfin, pour les 3 bits, pardon, c'est très gentil. Mais Lob, le truc, c'est que. En fait, je veux bien on dise, voilà, il a eu des crevaisons, il a eu machin, il a eu ceci. Bon, déjà, quand tu regardes, c'est le seul du top 7 qui prend pas de pénalité. Donc, lui, pour le coup, a respecté toutes les règles et a roulé comme il fallait partout. Voilà, ok, pas de souci. Mais le vrai souci, pour moi, c'est qu'il perd, certes, un quart d'heure le premier ou le deuxième jour, et il ne l'a jamais repris, ce quart d'heure. Ouais. Et en fait, il a passé 3 jours de suite après à 17 minutes du leader, qui changeait tout le temps, mais lui, il était toujours à 17 minutes. Ouais. Puis il est passé à 20, 22, 23, 25, et maintenant, bon, il revient à 18. Mais c'est compliqué de se dire, bon, ben voilà... Lob, il a un peu tout essayé. Je pense quand même que 2017, c'était pour lui. Ils ont fait un très très beau Dakar avec Daniel Hena. Et que depuis, voilà, y a le truc qui est assez compliqué. Et je pense qu'en plus, c'est très difficile de... C'est très difficile, en fait, de poursuivre comme ça. Parce que je pense qu'il va commencer à entrer mentalement dans un mauvais... cercle qui est de dire bah, il faut le gagner. En fait, quand tu commences à forcer les choses, c'est rarement comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il est là-dedans, hein, dans cette optique-là. Voilà. Donc, alors, après, encore une fois, on n'est pas à l'abri. Hein. Demain, Alatia casse un truc et prend 20 minutes, et puis Roma se perd, et voilà. Bon, et Lob gagne le Dakar. On n'est pas à l'abri. Ça peut arriver toujours. Hein. Il faut pas l'espérer. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Je me connecte à Sportiti. Nous, on a. Enfin, moi, j'essaie de regarder, mais t'as pas d'infos, t'as pas de données, t'as rien. Et non, parce que les infos, ils les donnent la veille. Et ils les donnent la veille au. Au briefing. Là, je te fais exactement voilà. Ce que fait Benji et tout ça. Là, je vais chercher le briefing, hein, tout simplement, sur Sportiti. Demain, donc, il y a 311 km de spécial. Après, il retourne à Yonbu, donc à mon avis, ça va être très, cassant encore. Potentiellement. Pour moi, ça va être du caillou, là. Avant de refermer l'édition, vous retrouverez une dernière fois un vrai condensé de tous les types de terrains saoudiens. Donc, départ, gros rythme, large piste, typé WRC. Donc ça, bon, au début, voilà, tout va bien. Par contre, il y a des wadis ensuite dans le début de la spéciale, du 26 au 43e kilomètre, il y a des wadis, donc c'est ces petits canyons qui sont très cassants. Ensuite, kilomètre 43 au 56, des dunes. Donc ça, bon, assez peu. Plateau rapide du 56 au 100, attention à la navigation, puis la piste traverse un canyon sinueux mauvais sur 10 km. 10 km, tu peux crever hein, quand même. Hein. Là, tu peux aller chercher des crevaisons. Avant de revenir sur un plateau rapide, kilomètre 100 à 125 d'une molle, mais voilà, c'est pas très très gravissime. Après, il y a des pistes dans des canyons caillouteux. Attention, risque de danger sur les pistes parallèles. Donc, c'est pas mal de cailloux quand même demain. Hein. Ouais. Donc, on n'est pas à l'abri. Tu vois, même par exemple, du 297 à l'arrivée. Piste sablonneuse lente avec présence de cailloux, les 5 derniers kilomètres sont sur des plateaux rapides avec présence de clôtures et dangers isolés. Si est-ce que la TIA finisse dans une clôture, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, non, ça va être. Ouais, il va falloir être vigilant, je pense, clairement. Et ça va pas être garanti pour la TIA, mais bon, encore une fois, on parle de Nasser Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar, ça lui en ferait une sixième. Je pense, c'est quand même moyen. Louis dit ce qui est étrange à chaque fois, c'est que Lob est malchanceux quand il fait attention et quand il pousse, il sort de surprise, il n'a pas de problème. Mais oui, alors ça c'est complètement fou, et merci monsieur Mix d'être là, bonne année. Mais tu vois, c'est le truc où... En fait, le problème, c'est que Lob, quand il pousse, en général, parce qu'il s'est pris des merdes au début et qu'il roule libéré, tu vois, mais... Ouais. Tous les autres Dakar où il a attaqué dès le début, il casse, il a des problèmes, il a machin. L'an dernier, on rappelle qu'il se fait quand même exclure du rallye parce qu'il a fait les tonneaux et son arceau est touché. Donc, ouais. Voilà, je sais pas. C'est bizarre. Après, il y a des pilotes qui sont pas faits pour gagner une épreuve, ça peut arriver. Hein, je veux dire, évidemment, de par son statut de duple champion du monde des rallyes, on se dirait, bah voilà, le Dakar, c'est qu'une formalité. Bah, ça prouve que non. Ça prouve que c'est très très compliqué. Et on dit pour vous deux, qui intrinsèquement m'a été le plus de gagner Al-Attiyah. Hein. Si c'est Al-Attiyah qui gagne, c'est lui parce que un Dakar, c'est du mérite. Là, à un moment donné, peu importe qui t'es, si tu gagnes le Dakar, c'est que tu mérites de le gagner. Oui, la Tegan aurait pu aussi, mais bon, la Tegan aussi. Alors, moi, je suis encore une fois impressionné par son rallye, mais c'était aussi prévisible ce qui lui est arrivé. Il est avec un Toyota Hilux tout nouveau. Toyota débarque avec une toute nouvelle voiture. Bah, le fait qu'il y ait des problèmes de fiabilité, malheureusement, on pouvait s'attendre. Hein. On avait levé un petit peu déjà des signes de doute au Maroc. Donc au rallye du Maroc, c'était le dernier rallye de la saison dernière, et ils étaient tous avec les anciens Hilux, mais on savait que Toyota préparait une nouvelle voiture. Et les pilotes nous disaient qu'ils avaient déjà roulé avec. Mais on se dit, on s'est tous dit à ce moment-là, et on en a parlé aux pilotes, on a dit, mais quand même, première course au Dakar, c'est audacieux. Donc, qu'ils aient ces problèmes-là, c'est pas extraordinairement incroyable. Hein. Ouais. Bah, en plus, ils ont attaqué fort... Première semaine et la deuxième semaine, les petits soucis se font ressentir. Hein. C'est ça. Puis il prend 9 crevaisons les 3 premiers jours. Donc, voilà, c'est des choses où, malheureusement, et il prend 9 crevaisons les 3 premiers jours. Je crois que l'une des spéciales qui gagne, il crève 2 fois, il change les pneus au pit stop et il crève une troisième fois. Enfin, il a cette chance-là. L'étape où il a pas de bol avec la direction assistée, ils peuvent la changer au pit stop, heureusement. Donc, ça lui fait perdre du temps, mais pas autant que ce qu'il aurait pu perdre. Ensuite, il se prend. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il a touché des arbres et ça lui a cassé, parce qu'il y a eu deux versions qui ont circulé. La première, c'est qu'il aurait touché des arbres et ça lui a pété le pare-brise. L'autre, c'est que Sébastien Loeb lui aurait envoyé une pierre, donc on ne sait pas trop quelle est la bonne version, mais en tout cas dans les deux cas, ils ont dû casser le pare-brise. Voilà, et puis là, la panne d'essence l'autre jour, les problèmes mécaniques aujourd'hui, c'est à un moment donné, c'est beaucoup pour un seul homme quand même, hein. Enfin pour deux hommes, ils sont dans la voiture, mais c'est pas simple. Moi je continue de penser que les Ford avaient quand même un très beau coup à jouer et que c'est dommage qu'il leur est arrivé. Ouais. Parce que quand tu vois Nani, il est encore qu'à 8 minutes. Hein. C'est pas. Et surtout que Sainz fut il y a 2-3 jours, il était sur le podium. Hein. Mais ouais, mais ils étaient 1 et 2 avec Roma et Sainz, et puis devant la TIA, et puis ils ont eu, ils ont eu des petits soucis. Ekström, lui, Mathias Ekström aussi, il méritait de le gagner, ce Dakar. Hein. Si tu regardes, bien sûr. Il y a vraiment, sur l'ensemble du Dakar, il y a 3 hommes forts. Pour l'instant, c'est Alatia, Ekström et Letegen. C'est vraiment les 3 qui sont pour moi démarqués et sortis du lot. Oui, totalement. Totalement. C'est des choses. Alors, Sainz, il a dégringolé un peu sur jardinage, mais il prend 17 minutes de pénalité surtout. Oui. Et c'est la pénalité d'un quart d'heure d'un coup là, qui lui a mis vraiment dans une grosse difficulté. Donc, le classement se retrouve quand même, je trouve, assez logique par rapport à ce qui s'est passé dans la course. Mais c'est vrai que tu aurais pu espérer pas mal d'autres choses, hein, pour certains. Mais un Ekström, ouais, c'est dommage pour lui. Moraes chez Dacia, bah, il a un peu été comme on s'y attendait, quoi. Il était là sans être là. Il est septième du général. Et en fait, Lucas Moraes, tout champion du monde qu'il est, hein, encore une fois, champion du monde en titre, bah, je trouve que septième, c'est une place qui lui correspond un peu sur un Dakar, quoi. C'est très bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. Surtout quand tu vois les noms qu'il y a devant, tu te dis bon. Bah, en fait, c'est quand même un plateau qui est relevé. Hein. Voilà. Être derrière Alatia, Roma, Loeb, Ekström, Sainz, tout ça, c'est bon. Être derrière Mathieu Serradori, sur le papier, c'est pas terrible. Dans les faits, c'est un Dakar exceptionnel que fait Mathieu Serradori avec son Sanctuary. Parce que ça, et on en parlera tout à l'heure, hein, dans les craquitos, vous vous en doutez, mais à un moment donné, Mathieu Serradori, Loïc Midodier, pilote amateur quand même. C'est un équipage amateur. Chez Sanctuary, qui est un constructeur sud-africain, voilà, c'est pas non plus. C'est pas la folie, hein, loin de là, ils ont un petit budget. À 2 étapes de la fin du Dakar, ils sont qu'à 36 minutes de la tête. Hein. Et il gagne l'étape d'hier. C'est quand même extrêmement fort. Hein. Serradori, c'est sa deuxième victoire d'étape sur le Dakar. La première, c'était en 2020, où il était copiloté par Fabien Lurquin, d'ailleurs, qui est désormais le copilote de Nasser Al-Attiyah. Donc, les deux pourraient être très contents de leur Dakar dans quelques jours. Mais franchement, c'est prodigieux. Hein. Être sixième du général. Alors, il était déjà sixième l'an dernier. C'est ce qui est aussi très fort, c'est qu'il a fait 6e du Dakar l'an dernier, mais là 6e à 36 minutes avec la qualité du plateau, parce que quand tu regardes les 5 premiers, déjà t'as 3 Ford, 2 Dacia, et c'est pas des peintres du tout. T'as toutes les Toyota aussi qui sont très très bonnes, et lui, enfin eux deux pardon, c'est Adrien Minaudier, exceptionnel de bout en bout, avec pourtant des jours sans, avec des difficultés, avec des crevaisons, avec des petits soucis machin, mais là super, il a gagné l'Africa Eco Race avec Fabien Lurquin, Mathieu Serradori, tout à fait, ils l'ont gagné en 2018 je crois, l'Africa Eco Race. Donc non, loin d'être un mauvais pilote, loin de là, mais encore une fois, c'est pas un pro de la trempe, t'as un Alatia, Loeb, tout ça, qui eux peuvent se consacrer à 100% à chaque fois sur leur sport et tout. Non, lui il reste il est maintenant, on va dire, plutôt semi-pro, si je dis pas de bêtises, notamment grâce à son statut de pilote officiel chez Sanctuary, mais ça reste pas, voilà, c'est pas... Et de ce que j'ai vu, alors là, je voulais rechercher les entrées, mais je les ai pas trouvées, il fait le Touquet Vintage. Ah ouais, avec Van Beveren. Oui, parce que Serra Dori, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, mais il a commencé par la moto aussi. Tout comme Loïc Hinaudier, qui lui était aussi grand motard. Et ils ont commencé tous les deux Dakar par la moto. Ensuite, ils se sont retrouvés dans une voiture. Et franchement, ça marche du tonnerre. Et ouais, non, c'était... Et puis c'était beau de les voir gagner hier aussi. Hein. Bonsoir, oui, Philips. Mais c'était très très beau de les voir gagner. Il y avait une vraie belle émotion. Donc non, chapeau, franchement, à ce duo français. Bon, ils ne sont pas premiers français du Dakar. Voilà. Parce qu'il y a quand même Sébastien Loeb devant. Mais bon. Ça reste assez fort, hein, tout ce qui se passe ici. Bravo aussi à François Cazalet, le copilote de Saoud Warriawa, le pilote sud-africain chez Toyota. Parce qu'ils ont gagné l'étape aussi. Hein. Ils ont aussi gagné l'étape. Donc, très très fort. On dit oui, Romain Dumas fait deuxième aujourd'hui, même lui, je pense qu'il ne comprend pas comment. Romain Dumas, avec c'est bien parce privé. Que quand tu regardes, en fait, il y a chaque. J'ai pas envie de dire pilote de seconde zone, mais il y a vraiment beaucoup de noms qui ont pu se hisser devant, que ce soit sur un podium ou sur des victoires. Des victoires d'étape et franchement je trouve que c'est vraiment une belle histoire pour tout le monde parce que tout le monde a eu son mot à dire à un moment. Ouais, tout le monde a pu profiter de certaines choses. Ouais, et c'est vraiment agréable de voir ça. Bah non, c'était vraiment bien. Franchement non, c'est pas encore fini, il reste deux jours hein, mais c'est un beau Dakar. Je trouve que là il y a quoi, c'est 8000 km un Dakar. Ouais. Sur 8000 bornes, quand tu regardes les chronos voitures sur 8000 km dans le désert, je trouve que c'est quand même relativement serré. Ah bah c'est serré. Mais alors bon, c'est serré, 8 minutes 40 en tête. Excuse-moi, mais enfin, parlant de serré, le classement moto, on est quand même sur un truc exceptionnel. À deux spéciales de la fin du Dakar, il y a 23 secondes au classement général. C'est exceptionnel. C'est quelque chose de dingue. Luciano Benavides qui est en tête, l'Argentin, devant Ricky Brabec, 23 secondes d'écart. Les deux n'ont pas pris une péna en plus, donc ils font un Dakar au couteau. Charaina qui a un quart d'heure, lui, sa pénalité de 10 minutes, il va quand même la regretter, je pense, pas mal de temps. Ouais. Et puis Sanders, 4ème à 23 minutes, mais lui, il a eu une grosse chute aussi il y a deux jours. Et il a une clavicule cassée. Voilà. Oui, mais ça, avec une clavicule cassée, monsieur, on finit 4ème du Tour de France. Donc ça, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, exceptionnel. Là, Sanders, pourquoi il continue? Eh ben, la passion. Il veut être finisher. La passion, la passion, l'envie de continuer, les sponsors, l'équipe. T'as un championnat aussi quand même, tu gagnes des points. Bah oui, il faut marquer des points. Ça reste un championnat du monde, hein. C'est pas juste une course exhibition pour le plaisir. Hein. Les mecs, ils sont obligés de continuer. Tu prends, on en parlera tout à l'heure, mais Charlie Epps qui roule avec une jambe en vrac. Après derrière, t'as aussi des primes. Enfin, je connais pas les primes à l'arrivée, mais t'en as quand même. Des sponsors qui bossent pour toi. Tu te blesses, tant que tu peux. Les mecs, tant qu'ils peuvent continuer, ils continuent. Mais par contre, j'ai vu les vidéos de Sanders ce soir, ils souffrent. Hein. Ah bah tu m'étonnes, oui. Quand il lui enlève les straps, il pleure, hein, franchement. Ah bah ouais. Bah là, t'en rends compte. Clavicule pété, tu continues le Dakar. Non, c'est rude. Hein. Et demain, avec les cailloux, ça va le secouer. Hein. À voir combien de temps il perd combien aujourd'hui. Aujourd'hui, il perd 10 minutes seulement. Ouais. Allez, il va perdre quoi encore 20. Après, demain, c'est des cailloux. Ça va faire encore plus mal à la clavicule avec les vibrations. Ah, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Après, il prend 10 minutes sur le vainqueur de l'étape, sur Rose, mais il prend 7 minutes sur Benavides. Hein. Donc, en soi, c'est totalement correct. Là, en soi, VBA, il est 20 minutes derrière. Ouais. Il peut essayer de rester 6 ou 7. Hein. Ah, bah, clairement, je pense que oui. Alors, le top 5, ça va être compliqué hein, parce que Rose est à moins de 10 minutes. Là. Enfin, un petit peu plus de 10 minutes, pardon. Ils vont pas le shooter aux anciens flatteurs. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que même shooter ou pas shooter, à un moment donné, quand à c'est un cassé, moment, c'est cassé. C'est un moment où on a beau faire tout ce qu'on veut. En fait, le truc, c'est que, à la rigueur, si tu maintiens bien, parce que c'est le rôle des straps ici, dans ce cas-là, c'est vraiment d'essayer de maintenir la clavicule, de maintenir le bras le plus possible. Ok. Imagine déjà, ton bras est parfaitement maintenu, tes os, ils sont quand même cassés dedans. Bah donc oui. À un moment donné, ça te fait mal. Ils se frottent entre eux alors qu'ils sont cassés. Hein. Le moindre petit mouvement te fait mal, anti-inflammatoire ou pas. Mais alors en plus, les boss, les machins à Dakar, on rappelle Charlie Herbst, on en parlait la semaine dernière, qui roule avec le tibia pété, enfin, en consolidation parce qu'il se l'est pété fin octobre, il a dit, hein, il a mis son pied sur de la neige un peu molle, la jambe a tourné et il a eu l'impression que ça s'est rouvert, quoi, que la fracture s'est ouverte. Donc, le pire, c'est que là, dans les vidéos, il dit « Oh, ça va mieux ». Mais oui, mais... Alors, moi, j'avoue que j'ai plus le temps de regarder ces vidéos à lui, mais par contre, je vois les vidéos de Benji Melo, il dit « Non, mais ça va ». Ah, mais c'est même dans... Ouais, c'est un vidéo de Melo, il dit « Ouais, non, c'est bon, ça va mieux ». Comment ça va, l'autre, t'as tibia péroné pété ?» Et tu fais de la moto 1000 bornes dans la journée. Mais merde, c'est pas normal. Ces gens ne sont pas normaux. Et c'est pour ça qu'on essaie. Après, les antalgiques à outrance, de toute façon, c'est les médecins qui leur filent. Ah mais oui, mais les médecins, après, on le voit avec... on vous parle déjà mal moto, mais on le voit avec Mani Gias. C'est ce que j'allais dire, ouais. Putain, c'est moi... Ouais, alors, c'est, encore une fois, c'est toujours... Je trouve que là, on est dans la situation où t'as envie de saluer le courage et de dire bah, bravo, il y a de l'abnégation, machin. D'un autre côté, moi, je trouve que c'est choquant. Enfin, choquant. Peut-être que le mot est un peu fort, mais c'est quand même étonnant. Au départ de la spéciale, il y a le médecin qui vient le voir. Mmh. Ouais. Et l'autre, il lui dit non, ça va, ça... Enfin, si je ferme un œil, là, celui-là, je vois bien. Je ferme l'autre œil, celui-là, je vois bien. J'ouvre les deux, je vois double. Mais dans quel... Le médecin lui dit ah ouais, bon bah. Le mec, il dit ah oui, dis choupi. Si tu bah, sens oui. pas, tu t'arrêtes. Au moins, c'est bien, il a trouvé le symptôme, tu vois, il a trouvé le nom du truc, mais je suis là, c'est... Là, c'est le truc, c'est vraiment, c'est ouais, si tu te sens pas, t'arrêtes. Oui, bah oui. Oui, un pilote de moto, oui, t'as raison, toi. Pilote de moto, il va s'arrêter de lui-même, c'est connu. Donc, les mêmes médecins, ils vont ensuite pouvoir partir sur la saison de MotoGP après le Dakar, tout à fait. Non, mais c'est exceptionnel. Vraiment, le yes, oh yeah, yeah, Diplopi. Bah oui, c'est ça. Moi, j'aurais été un petit peu plus inquiet, mais bon, voilà, ça, c'est pas... Et toujours top 5, si je dis pas de bêtises, Mani, en plus, en original. Le quatrième. Donc c'est quand même, assez, ouais. quand même assez fabuleux. Il va double, donc il va deux fois plus, donc c'est mieux, c'est vrai. C'est ça. Mais non, mais après, c'est vraiment... Ouais, c'est très très fort, hein, quand tu as tout ça. Et là, vraiment, Guinness, je trouve que lui, on sait qu'il a eu une commotion, quand même. Hein, ça se sent. Bien sûr qu'il a pris un trauma. Il était pas bien et tout, et on le laisse rouler. Bon, voilà, on espère... Après... Le truc, c'est qu'en Malmoto, ils ont quand même un esprit de préservation qui est un peu plus important. Tu sens, ils sont tous... Ils attaquent, machin, ils font plaisir, mais ils sont tous sur une petite réserve quand même. Même mais quand ils attaquent les grands... Tu peux pas être comme un bourrin sur 15 jours alors que tu fais tout seul, parce que... C'est ça. Tu as de la fatigue, hein, tout de même. Mmh. Beaucoup de fatigue. Parce que les mecs, ils rentrent, bah ouais, faut faire sa mécanique, il faut manger. S'ils ont le temps, bah un petit coup chez les kinés, les ostéos. Après, derrière, bah tu montes ta tente, tu dors dans une tente, tu dors pas dans un matelas, tu dors pas dans un camion. Mmh. Et bon, bah vu qu'on est sur les Malmoto, on le voit dans les vidéos de Melo, mais ils se plaignent tous du bruit parce qu'à chaque fois, ils écoutent à côté des SSV et les SSV, ils font des essais de bagnole toute la nuit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils sont insupportables, les SSV, voilà. C'est vrai qu'en plus, t'as pu le constater par toi-même, mais pourquoi ils bricolent toute la nuit, les mecs? Je ne sais pas, mais moi, je comprends pas. Pourquoi? Tout le monde, à 22h, ils ont rangé le matos, et t'as l'impression que les SSV, à ce moment-là, ils disent bah, « on va se mettre au boulot, nous hein. ». Bah ouais, non mais c'est ça. Imbitable. Et les mecs, tout le monde s'en plaint. Et justement, c'est bon, je l'avais mis en... Parce qu'on l'a vu sur la vidéo de Velo, mais c'est là où j'ai mis David Caster en craquito, parce qu'il allait les voir personnellement, les SSV, pour leur dire de se taire. Non mais c'est... Non, mais, pour être poli. Parce que moi, en fait, le problème, si tu veux, à la rigueur, c'est pas que les mecs réparent, ça je m'en fous. Mais bon, tous les ultimates... Ils réparent, ils font leur bricolage, ils ferment la tente, merci, au revoir. Les SSV, ils réparent, ils vont faire une spéciale de 300 bornes, visiblement, autour du bivouac pour vérifier que tout va bien, et puis ils rentrent. Mais arrêtez! Arrêtez! Mais en plus, t'as fait un bruit de dingue, les SSV. Le bruit est ignoble. Sachez-le, le bruit est ignoble. C'est invisible. Bah, t'as l'impression que c'est un moteur de moto, en fait. Ça. Mais enfin, c'est ça, c'est un gros moteur de moto. C'est R1, le truc. C'est ça. Et non, mais c'est encore une fois, je pense que c'est vraiment basé sur des moteurs de moto de toute façon, parce que c'est du side by side véhicule, hein, c'est pas du tout une voiture, ouais, le truc. Hein. Non, c'est des moteurs. C'est une manière géniale de faire le Dakar, hein, ça je conteste pas, c'est super, c'est relativement économique, machin, c'est génial, ça relance le rallye raid, c'est formidable. Hein. Mais mettez-y un vrai moteur, c'est pas possible, faites au moins un truc harmonieux, quoi, parce que je te jure, mais il n'y a pas une personne sur un bivouac du Dakar qui se plaint pas des SSV, je pense. Parce que tu es forcément réveillé par un SSV à un moment donné de la nuit, tout le temps. T'as l'impression que c'est les beaufs du Dakar, tu sais. En fait, les mecs qui font la SSV, c'est les mecs qui sont dans les campings au Mans. S'ils font que des rupteurs. Tu te dis, mais pourquoi? Toi, t'es là, t'es dans ton duvet déjà. Bon, alors déjà, t'es dans ton duvet, t'es pas bien. Et soudainement, il est 1h17 du matin et t'entends... Tu fais, c'est tout? Parce qu'à la rigueur, moi je me dis, quitte à faire du bruit, bah fais, vas-y, mettez-y vous tous, voilà, faites un truc de 10 minutes, et puis, non, chacun il va juste mettre un coup de clé, c'est bon, ça marche, bah oui, bah merci. C'est abominable. C'est terrible. Mais ça aide le rallye raid à se développer. Donc. Oui, totalement. C'est un mal nécessaire. Mais c'est vrai que les pauvres originaux de Motul, ils sont à chaque fois parqués juste à côté des SSV. Ouais, c'est dingue de faire tout le temps ça, de les foutre à côté. Ah, mais c'est terrible. Après évidemment, le bivouac est compliqué à mettre en place, hein, je ne conteste pas. Surtout qu'en plus, il est très souvent organisé autour d'une allée centrale. Donc l'allée centrale, c'est un bordel. Mais alors, parce que t'as les SSV qui sont casse-couilles et qui préparent et qui bricolent machin. Puis t'as les SSV qui arrivent à 3h du matin parce qu'ils ont galéré toute la journée. Ouais. Et eux, t'as pas envie de leur dire bon, c'est chiant. Ils arrivent, ils sont couverts de poussière, tu dis bon, bravo. Mais après, t'as quand même envie à un instant de leur dire bravo pour la performance. Mais est-il nécessaire de rentrer au bivouac en faisant je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Tu te mets en troisième en roue libre et ça prend moins de bruit que d'accélérer comme un idiot. Mais non, les claviers, j'en ai marre. J'en peux plus, les SSV. Alors que, vous voyez le trauma, ça fait un an. Les SSV. Parce que l'avantage, c'est qu'au rallye du Maroc, l'endroit où on dormait était loin du bivouac. Enfin, t'avais l'endroit où tout le monde dormait, la cantine et tout, et tu devais aller au bivouac. Donc t'allais pas, tu les croisais pas. Mais là, un camion la nuit, ça passe mieux. Ah, les camions, j'ai jamais eu de problème. Hein. Après, les camions, ils rentrent... Enfin, les camions, si tu veux faire le Dakar et être sûr de rentrer deux jours tous les jours, tu fais en camion. Hein. Parce que je te garantis qu'un camion s'est jamais arrêté, s'est jamais tanké dans une dune. Hein. La dune, il l'écrabouille. D'ailleurs, les camions, ils partent assez tôt, hein, de toute façon. Je crois que c'est les SSV qui partent en dernier. Hein. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est. Je crois que ça fait moto, auto, camion, SSV. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Mais les camions, honnêtement, ils font des chronos qui sont. Enfin, voilà, hein, ça roule très vite, très bien, machin. Ils rentrent, il fait jour. Enfin, non, ils sont bien. Pourquoi ne pas imposer un couvre-feu? Bah, le problème, si tu veux, Guigui, c'est qu'un couvre-feu, c'est bien. Sur le papier. Enfin. Si tu mets un couvre-feu sur le Dakar, je pense qu'à la journée de repos, il y a la moitié des gars qui sont déjà rentrés chez eux, parce qu'ils ont été hors délai, et à l'arrivée, ils sont 4 sur le podium. Alors, c'est sûr, pour Castera, c'est génial, parce que lui, il passe 5 minutes à remettre les médailles de finisher, c'est très bien. C'est le podium. Voilà, pour le spectacle, moins, si je puis me permettre. Je me dis, ce serait pas légitime de mettre les SSE après les motos. Bah, en fait, le problème, c'est que si tu fais ça, t'as l'arrivée des motos à 10h heure française, l'arrivée des bagnoles à 17h, quoi. Donc tu peux pas là tu pourrais pas Et le truc c'est que tu es toujours obligé de mettre les motos en premier. Oui, ça par contre oui. Tu peux pas les mettre après parce que le problème c'est que quand tu as le passage de toutes les voitures et des camions, en fait pour les motos ça te fait des tranchées et c'est très dangereux. C'est très dangereux. À eux d'ouvrir comme ça ils roulent peinard parce que les traces de voitures c'est pour eux ça peut être vraiment dangereux. Et les motards en plus eux doivent finir de jour. Parce que dans les dunes la nuit tu ne peux pas rouler, c'est impossible. Vous savez que malheureusement c'est con mais on l'a vu c'était le 14 janvier les 40 ans évidemment de l'accident de 86 voilà les dunes la nuit c'est extrêmement traître hein, donc en voiture tout ça tu peux gérer en moto c'est très très compliqué et donc voilà ce serait pas, mais faire des pistes différentes moto SSV et voiture camion bah après le problème ils ont des pistes différentes des fois de temps en temps mais tu peux même tu as moto SSV le problème c'est que même un SSV va te faire des tranchées sur les étapes marathon les voitures et les motos partent en même temps mais elles ont certains checkpoints qui sont complètement différents. Pour vous la stratégie de Honda je n'ai pas vu l'étape d'aujourd'hui pour être tough donc je ne sais pas quelle était leur stratégie. J'ai pas regardé les résumés. Après, le truc, c'est que tu prends Honda. C'est un peu comme Toyota a fait avec Ford. En fait, c'est un coup, ça bourre comme des tarés, puis après, tu les vois plus. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Hein. Tu vois, hier, ils sont. Deux Honda sur le podium et celle de Hose elle est quatrième. Après le problème c'est que de toute façon chez KTM ta canette qui est à la rue niveau classement. Parce que justement la semaine dernière c'était pile l'étape où on savait pas s'il avait abandonné ou pas mais en fait il a fini sur une roue. Ah oui c'est bien. Quand je dis une roue il y avait plus de pneus. Mais de ce que j'ai entendu alors je sais pas comment il a fait comme de par hasard il y a une roue avec un pneu, un bib tout neuf KTM qu'il a trouvé par terre. C'est dingue ça quand même. Qu'il a pu mettre, il a pu finir avec ça, mais forcément c'est pour ça qu'il a pris toutes ses heures de péna. Les heures de péna sont liées au fait que du coup, tous les pneus sont notés au départ, et du coup quand il est à l'arrivée, bah, le pneu il n'était plus noté parce que c'était plus le même. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'il a pris les péna. Ah oui. Donc, et en fait, oui, il était sur une roue, enfin il roulait sur la jante. Et de ce que j'ai pu lire à un moment, bah, il a trouvé une roue, il a trouvé une roue KTM qui allait pile pour lui. Je trouve ça un petit peu bizarre quand c'est même. C'est formidable ça. Au moins il a pu finir et continuer à rouler en rallye GP, sinon c'était mort. Hein. Bah clairement. Ouais. Là, c'était foutu, parce qu'il ne peut pas rouler une fois que tu as abandonné en rallye GP, t'as un abandon. Là je regarde, on me demandait qui était plus cher entre moto et SSV. C'est SSV quand même, hein, évidemment. La moto, c'est 20 400 euros pour l'inscription. Alors après, on ne parle pas de l'achat de la moto et tout, hein, mais déjà, l'inscription au Dakar, c'est 20 400 euros. En Challenger, tu payes le même prix qu'en Ultimate, en fait. Toutes les voitures, c'est 32 650. Les camions, c'est 45 900, pour info. Mais ce que je ne savais pas, pas complètement en tout cas, c'est que tu as des réductions au Dakar. Tu peux avoir une petite réduction, une petite ristourne. Par exemple, si tu as un motard... Est-ce que tu as le code promo Racing Café? Alors non, ça, je vais d'ailleurs en parler directement à David Castera parce que je trouve que c'est un peu scandaleux. Mais tu as littéralement la carte de fidélité. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait 10 Dakar ou plus, eh ben en moto, ils payent 900 euros de moins et en auto, 1500. si tu as un Dakar Legend... T'as un bonus si t'es un pilote expérimenté. C'est que quand tu es en gros un participant qui a fait au moins un Dakar, tu peux prendre sous ton aile un participant, un rookie. Donc j'imagine, s'ils sont pas bêtes, Benjamin Melot a fait ça avec Romain Mouzigon. Oui. Hein, les deux en malmoto, parce que du coup, quand tu fais ça, à moto, le pilote expérimenté, il paye 500 euros de moins sur son inscription, et le rookie, il paye 1000 balles de moins. Ah, c'est intéressant. Hein. Donc déjà, dans les deux cas, ton inscription, elle descend sous les 20 000 euros. Ce qui est, bon, ça reste une somme, hein, je dis pas l'inverse, hein, mais c'est pas mal quand même. Alors non, Jean-Bec, un coronel ne peut pas prendre sous son aile un autre coronel, puisqu'ils sont dans la même voiture. Et ça ne marche pas avec le copilote. Par contre, s'ils décident de faire tous les deux le Dakar à moto, là oui. Mais il faudra que l'un des deux fasse d'abord le Dakar à moto, valide une participation et ensuite il pourra faire la ristourne pour son frère. Ce serait très drôle de les voir faire le Dakar à moto. Et tu as aussi le bonus communication. Si tu as une page Facebook ou une page Instagram avec plus de 2000 followers, on peut pas le faire, donc il va falloir qu'on soit meilleur. Et que tu peux au moins donner un lien vers un média qui parle de ta participation au Dakar, bah tu gagnes 500 balles sur la... D'accord. En fait, donc maintenant, nous, on est à combien sur Instagram là? Parce que, écoutez, parce que c'est bien gentil, on en parle toujours du Dakar, machin, on va peut-être commencer à être des vrais, être des purs. On est à 275 followers. Donc, on a... Grosso modo, il faut que tu payes d'ici septembre. Bon, donc d'ici septembre, on doit trouver 1900 followers à peu près, enfin 1700, un peu plus de 1700 followers. Est-ce qu'on peut, devenir le média officiel de Original by Motul? Alors, on peut leur demander, mais alors moi, surtout, j'avais pensé à un truc, parce que donc il y a quand même deux conditions à réunir. Il faut avoir les 2000 abonnés sur Instagram et qu'un média parle de ta participation au Dakar. Moi, je garantis rien. Je ne garantis pas, hein. Mais je peux peut-être, parce que je connais du monde, je peux peut-être demander chez Auto Hebdo à ce qu'ils fassent un article sur la participation du Racing Café au Dakar. Je garantis pas, mais je peux tenter le coup. Je connais un petit peu les gens qui y bossent. Donc voilà, on gagnerait 500 euros sur 32 650. C'est... D'ailleurs, c'est pas 500. C'est que 500 même en voiture. Oh, c'est moins bien d'un coup. Au pire, on s'inscrit en SSV, comme ça on fait du bruit. Ah oui, ah bah ça évidemment. Et en fait, on échange. C'est-à-dire qu'on fait un jour pilote, un jour. Oui, mais ça on peut le faire en plus. Ce serait hilarant. Je pense qu'un Dakar, ça doit être exceptionnel à faire. Parce que franchement, en SSV, ça reste risqué et dangereux, hein, évidemment. C'est un sport automobile, machin. Mais honnêtement, le SSV, c'est un machin, c'est un karting qui passe les dunes. Oui, les mecs qui font 20 tonneaux, le truc, il voilà. bouge encore. T'as vraiment pas de gros problème avec un SSV en principe. Mais franchement, mais ça doit être tellement le zbeul. Oh là là là là. Parce que le truc, c'est qu'il faut être bon mécano aussi. Hein. J'ai jamais changé une seule pièce sur une voiture, moi. Hein. Donc là, autant te dire que tu vas être bon. Hein. Le A, là, ça va. Ah, je me débrouille, mais. Ça va filer. Hein. Je me débrouille, mais changer un embrayage, je sais pas. Ah, ça va être compliqué, là. Donc, non, c'est pour du tout. Alors, Slim qui. Merci, Slim. J'ai vu qu'il y avait une baraque à frites qui faisait de la carte. T'as pu les goûter. Mais non, ils étaient pas là l'an dernier. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne suis pas au Dakar cette année. Ah bon? C'est pas dans ta tente là derrière? Et non, c'est pas un fond vert, c'est vraiment chez moi. Donc, ça c'est le problème, c'est que j'ai pas pu y goûter. Après, pour la question, comment ça se passe les assistances pour les privés? De toute façon, les pilotes payent pour faire venir une assistance. Hein. Oui, tout est payant. Tu payes ton inscription pour toi, mais après, en fonction de la taille du camion, du fourgon ou de la voiture ou du camping-car que tu fais venir en plus, tu payes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que les assistances, les privés, ils payent leur mécano, ou alors ils font partie d'un team. Et par exemple, tu prends pour Charlie Epps ou quoi en moto, en fait, il roule pour Daffy, et du coup, c'est un camion Daffy, et ils ont des mécanos parce qu'ils sont plusieurs pilotes dans le même team. Et voilà, ils ont un énorme semi. Ouais. Qui fait le Dakar, et après, en fait, c'est juste que les mecs, le pilote s'inscrit avec sa moto. Mais tout le reste, c'est des suppléments. Donc là, quand c'est comme ça, en fait, c'est l'équipe qui inscrit tout le monde. Mais si toi, tu viens en tant que privé, en fait, c'est toi qui payes ton assistance. Donc c'est à toi de payer si tu veux un camping-car en plus ou un camion. Les mécanos, c'est considéré comme des personnels qui font ton assistance. Donc faut payer aussi leur inscription. C'est moins cher, mais il faut payer aussi pour les personnes. Enfin, tout. Parce que vu qu'il y a tous les trajets qui sont compris en bateau ou en avion ou quoi. En fait, c'est des t'as les prix et tout. Ouais, là, en gros, là, j'ai les tarifs. Alors déjà, Axel, je te préviens, on va dormir en tente. Hein, là, j'ai pas de. Sur le camping-car, c'est 9 690 € hein, pour avoir le droit de le garer sur le truc du Dakar. Donc non, hein, non, je ne paye pas. Parce que si c'était gratuit, t'inquiète pas qu'on aurait fait la route avec le camping-car. Hein. On mettait le SSV sur une remorque derrière et c'était parti. Hein. Mais bon. Donc 9 690 balles, pas possible, hein, clairement. Le camping-car de plus de 7,50 m, c'est 12 240 €. Sachant qu'on a vu, parce que le HAM a envoyé ça, le camping-car de Yazid Al-Rajhi. Enfin, pardon, oui. Le château. Oui. Le château sur roule de Yazid Al-Rajhi. J'allais dire le château roulant. Qui a servi 4 jours, hein, donc oui. Très très bon. Voilà, donc, il a payé 12 000 balles. Incroyable. Hein. Mais c'était fou. Incroyable. Je vous promets, à mon avis, c'est plus grand que ma baraque. Je pense. J'y ai pensé. Alors déjà, ça, c'est plus confortable. Ah, ça c'est sûr, le lit est meilleur. Ça c'est sûr. Aucun doute. Mais tu vois le truc et le mec, il est sur un bivouac. Tu te dis, mais... Ah, lui, il dort bien. Alors là, et là je pense à tous ceux qui ont fait le Dakar dans les années Thierry Sabine, qui disent... Alors moi, j'ai fait le Dakar, j'avais même pas une toile de tente. J'étais assis dans le sable à attendre que ça passe. Et ce que tu donnes, c'est journalier ou pour tout le Dakar? Ah bah pour tout le... Oh, mais t'imagines. T'imagines 12 000 balles par jour. Ah oui, non, oui, faut pas déconner non plus. Je te jure que si tu payes 12 000 balles par jour pour ton emplacement de camping, David Castera, son hélicoptère, il le paye lui-même en fait. C'est pas un hélico de leur gars, c'est son hélicoptère à lui. Ceux qui veulent voir le camion, vous allez sur Yazid Racing sur leur Insta directement et vous avez le magnifique camion. D'ailleurs, je vais regarder encore, c'est incroyable. Un camion blanc et devant, c'est une maison. Je salue Yazid parce qu'il a, il a quand même fait son repas. Il a fait son repas de la journée de repos. Alors le truc, mais oh là là, les tartines, les nanani, nanana, c'est exceptionnel. Hein. Yazid et ses 43 000 servants qui étaient là Regarde-moi ça, voilà. Alors, évidemment, Jacques Hicks était là, hein, bien sûr, mais voilà. Jean-Marc Fondé, il y avait tout le monde, il y avait tout le Dakar qui était là, bam, bam, bam, allez, vas-y que ça mange, et machin. Alors qu'il avait abandonné, donc ça c'est très sympa. Mais je vais vous montrer du coup le château, hein. Il n'y a pas exactement d'autres termes. Je pense qu'en allant directement sur ce que tu m'as envoyé, ce sera beaucoup plus rapide. C'est prodigieux ce qu'il a fait, Yazid, la chapeau l'artiste. Oh la vache. Non, mais c'est... Ça paye pas de mine de l'extérieur, hein. Ah, c'est un camion blanc. Oh la vache. Il a plus de LED que dans mon décor. C'est un motorhome. Mais alors non, je suis désolé, c'est un hôtel. C'est pas un motorhome, en fait, ça. En fait, les camions à hydrogène pour faire électricité, c'est juste pour le sien. Ah oui, ah oui, il y en a un, oui. À MyCord, il est venu, il a mis un camion pour lui. Hein. Ah, aucun problème. C'est je pense que c'est vraiment plus grand que ma maison. 85 mètres carrés, je pense qu'on les a. Hein. Ouais, moi, je suis aussi, je crois que je suis à 87, moi. Ouais, on ouais. En est pas long avec le camion. Là. C'est hallucinant. Hein. C'est l'autre, il a un 4 étoiles portable. Oui, c'est ça, ouais. C'est prodigieux. Alors, moi, je suis désolé. Au début, quand il abandonne, ils disent voilà, ils sont blessés l'année dernière avec Thibaut Kutschel, son copilote. Ils se sont blessés aux vertèbres et tout. Voilà, il dit c'est trop compliqué de continuer. Je suis d'accord, mais enfin, moi, je suis désolé. Tu viens, mais même. J'ai perdu un bras ou quoi que ce soit. Si je sais que le soir je rentre, j'ai ça. Ah, je le finis le Dakar. Alors là, ah mais aucun problème. C'est vraiment, mais je ne l'arrête pour rien au monde ce Dakar. Mais non, quand tu regardes les prix, c'est sûr que c'est cher de faire un Dakar, c'est certain. Après, des gens sont surpris que ce soit cher, mais ça reste quand même ce qu'on t'offre. Enfin, ce que tu payes dans le prix que tu débourses. C'est quand même la possibilité d'aller faire un rallye quasiment à l'autre bout du monde, parce que le Moyen-Orient, c'est quand même pas la porte à côté, d'avoir un niveau de prestation qui est quand même très solide. Oui, parce que tout est compris, c'est-à-dire que... C'est ça. Je regardais, les par exemple, on en parlait la semaine dernière avec l'Afrique et la Corée, mais ton inscription, ça comprend toute la bouffe. C'est la bouffe, l'essence. Là, je regarde, t'as donc, pour 32 650 pour une voiture, t'as le transport vers l'Arabie Saoudite et le retour, évidemment. Tout l'équipement de navigation, et autant vous dire que les Iritrack, les GPS, les tablettes, les machins, c'est très très cher. L'essence pendant toute la course, donc ça quand même, c'est con. Et l'essence, bah, ça coûte très cher. Voilà, enfin, bon, chez eux, non. Mais... Oui, en fait, oui. Ils se foutent de notre gueule, là. Ils mettent un tuyau dans le sol, ils le récupèrent directement. En fait, ça n'a rien à voir, en fait. Et après, t'as tous les bivouacs, parce qu'encore une fois, c'est con, mais t'as... En fait, tu payes quand même 2 semaines et demie de camping, quoi, si tu veux. C'est con, mais voilà, ça fait partie du truc. Donc, il y a l'électricité, justement. Vous pouvez voir sur la vidéo de Melo, où il montre un peu le système hydrogène qui fournit l'électricité. Vous avez toute la bouffe, et les mecs bouffent très bien, parce que ça reste quand même des sportifs, donc ils sont de la bouffe de très bonne qualité. Les buffets, ils sont limite ouverts H24. Tu as beaucoup de personnel. Alors oui, il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a des personnels à payer aussi. Mm-hmm. Tu as tout le système de santé. Tous les ostéos qui font des massages à tous les pilotes tous les soirs. Donc, après, bah, tu as aussi organisation, hélico. C'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est un truc où il faut se rendre compte. En fait, c'est tout con, hein, mais. Vous aviez dit ça, ouais, après, on parle de plusieurs millions en Formule 1. Et ça c'est ça. Nous qui vivons en France, on est quand même d'accord que moi, j'ai quand même vécu l'année dernière le centre médical du Dakar. Bah, c'est un luxe exceptionnel qu'on ne connaît plus, d'avoir une rage de dents et de dire « Bon, bah, je vais aller voir le médecin qui est juste à côté, hein, et puis du coup, je vais avoir un traitement genre là, maintenant. » hein, c'est pas « j'appelle, et puis j'ai un rendez-vous dans 4 semaines, et puis non, c'est là, tu rentres, il te traite, tu ressors. » Voilà. J'ai plus le chiffre des médecins kinés et ostéos, mais c'est un vrai hôpital de campagne. Et il y a... Si je dis pas de bêtises, il y a au moins... Il y a deux choses dans la médecine au Dakar. C'est que tu as le centre médical sur place, sur chaque bivouac, qui est équipé avec, je pense qu'il y a une bonne dizaine de médecins minimum. Ouais. Et ils ont une salle pour faire des rayons, enfin, pour faire des radios quand même. Ouais, ils ont un camion radio, oui. Ils ont un camion radio. Tour de France. Exactement. Donc, camion radio où tu peux passer des radios s'il y a un besoin. Ils ont pas mal de matos pour aller, on va dire, de la. T'as déjà de la petite chirurgie, enfin, tu vois, tu peux déjà quand même faire plus que de la bobologie, comme disent souvent les médecins. Mais en plus, tu as tous les médecins qui sont répartis sur le trajet de la course. Parce que tu as des médecins en hélico, qui peuvent aller directement sur un pilote blessé. Et tu as aussi des médecins qui sont ce qu'ils appellent les tangos. C'est quelques pick-up qui sont disséminés sur le parcours, avec deux médecins dedans, qui peuvent aussi directement aller aider un concurrent. Ils sont plutôt placés dans des endroits un petit peu dangereux, ou en tout cas voilà, des endroits où on se dit qu'on pourrait avoir besoin d'eux, même si on ne le souhaite pas. Et tout ça, comme tu dis Axel, c'est payant. La médecin-chef, c'est la même que celle qui fait le Tour de France, d'ailleurs. Et non, c'est après, voilà, c'est très fort. Ça se limite. Les Américains, ils vont faire le Dakar juste pour se faire soigner comme ils ont fait les JO. Parce que les Américains, ils sont venus aux JO de Paris, ils ont dit comment ? Quoi ? C'est gratuit ? Ouh là là, oui, pas de problème. Florence Pommery, tout à fait, je l'ai interviewé l'an dernier, et c'est la même médecin que sur le Tour de France. En même temps, c'est ASO, hein, veux dire, c'est normal qu'il fasse confiance aux mêmes personnes, mais non, franchement, c'est très très bien foutu. La bouffe, je suis désolé, t'as quand même petit déjeuner, dîner, déjà, tu as trois repas, machin, et 24 heures sur 24, le bar à pâtes. Ça, je suis désolé, c'est un luxe, encore une fois. Voilà, c'est... Et quand tu prends les pilotes qui mangent pas le midi et qui arrivent à 17h avec les crocs, je pense que les assiettes, ils les descendent, les bonhommes. Bah, moi, ce que j'étais surpris dans les vidéos de Benji, enfin, surpris, c'est en fait, c'est plutôt, je me dis, tiens, c'est cool qu'ils y aient pensé, c'est que je savais pas, mais du coup, ils mangent à l'arrivée de la spéciale. Ouais. Ils ont un camion repas à l'arrivée de la spéciale. Ouais, tu les vois rentrer avec un petit sac. Bah, ils ont deux trucs, t'as. Parce qu'à l'arrivée de la spéciale, des fois tu les vois, ils s'attablent et ils ont vraiment un camion repas où ils font un vrai repas. À l'arrivée de la spéciale, avant de faire la liaison. Et effectivement, à l'entrée du bivouac, on leur tend un petit sac qui contient en fait la ration de survie pour le lendemain. Enfin, la ration de survie. La ration où t'as petite salade de pâtes, de riz, machin, t'as des trucs que tu peux grignoter. Donc, non, franchement, c'est très très fort. Hein. Et évidemment, Mathieu, il y a des blocs de réservés dans les hôpitaux autour de la course. Voilà, ça c'est toujours. Après, c'est pas, je pense que c'est pas aussi intense que sur une course de F1, par exemple, où là, effectivement, quasiment tout l'hôpital est à chaque fois en alerte. Mais oui, tout est fait, tout est coordonné avec les hôpitaux locaux. Les procédures pour envoyer les concurrents blessés à l'hôpital sont de très très grande qualité, ce qui est la moindre des choses. Et encore une fois, voilà, c'est toujours la même chose. Tu te dis, en fait, ça coûte cher. Oui, sur le papier, sur ce que c'est, ça coûte cher. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais t'as un niveau de sécurité, de confort, de machin, qui est quand même assez, assez bluffant. Ils font vraiment... Faut comprendre que quand t'es participant au Dakar, je vous parle de ça en l'ayant fait déjà en tant que média, hein, en ayant vu comment ça se passe. Quand t'es participant au Dakar, toute l'organisation est là pour toi. C'est tu n'as pas un instant où tu peux être paumé ou quoi. Non, t'as moins de soucis, tu demandes, quelqu'un de l'organisation vient t'aider, machin. Enfin, c'est vraiment, tu es. David Castella qui en parlait justement l'an dernier. Après le Dakar, ils avaient fait un débrief avec Benji, et Charlie Herbst, un peu tout le monde. Hein, et il avait dit, il écoutait les retours en fait que faisaient les concurrents, parce qu'il a dit, moi, je vous vends une prestation. Ouais. C'est en fait, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la manière qu'ASO gère maintenant le Dakar, c'est qu'ils ont pris conscience il y a quelques années que ils vendent une prestation. C'est les pilotes sont là, ils viennent pour se faire plaisir, ils viennent pour souffrir machin, mais ce sont les clients. Ils achètent une prestation. Tu te dois de leur donner un truc minimum. Et donc ça, c'est très très fort. Est-ce que ASO paye un ticket à l'Arabie Saoudite ou est-ce que c'est un partenariat ? Oh bah, poser la question, c'est déjà un peu y répondre, hein. Je pense que le jour où un organisateur de sport devra payer pour avoir le droit de faire un truc en Arabie Saoudite, hein, soyons honnêtes, c'est un truc où, évidemment, l'Arabie Saoudite aligne des billets. C'est normal. C'est tout comme l'Amérique du Sud aligne des billets. Hein. On va pas se le cacher. Et à mon avis, même en Afrique, c'était pareil. Hein. C'est comme le Tour de France, de toute façon. Tu vas accueillir une étape du Tour de France, tu payes. Ou tu es Pau. Bon, ça voilà. Ça mais j'allais dire, ou alors sinon tu t'appelles Pau. Voilà. Quand même, le mec qui a créé la ville de Pau, quand même. Il l'a créé juste pour ça. Mais c'était un fan de vélo, c'est pas possible. Mais qui s'est dit, eh ben vous savez quoi, je vais la mettre pile là, comme ça, à chaque fois que quelqu'un va aller faire du vélo dans les Pyrénées, il est obligé d'y passer. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout comme le mec c'était un visionnaire, parce que du coup, il a dû y penser à peu près peut-être en 1500 ou en 1600. Ah oui, le mec savait, de toute façon, il savait très bien comment ça allait se faire. Hein. Non, mais franchement, moi, je suis le mec qui a créé Bourdoisan, c'est pareil, voilà, je vous le dis. Donc non, franchement, c'est nickel. Hein. En même temps, c'est à côté des massifs. Oui, MMG, c'est le concept de la blague, hein. C'est l'idée. Hein. On est con, certes, mais on ne croit pas réellement que quelqu'un est venu un jour dire eh ben, on va créer une ville pour le Tour de France. Attends, j'essaie de chercher sur Wikipédia s'ils mettent l'année ou la ville de Pau. Si tu m'annonces que c'est 1904, l'année qui suit le premier Tour de France, là je vais commencer à avoir des doutes. Alors attends. C'est François Bayrou qui a créé Pau il y a 400 ans, c'est ça? Au XIIe siècle, les plus anciennes traces de la cité paloise. D'accord. Et c'est devenu la capitale du Béarn en 1464. Donc au XIIe siècle, les mecs se sont dit Tour de France. Ouais. Après, sachant que au XIIe siècle, on est quoi, les années 1100 à peu près, c'est ça hein? Ouais. Et est-ce que le sud-ouest comme ça, c'était déjà franc ou pas? Je ne pense pas. C'est pas du tout. Mais donc 1100, la première bicyclette a été inventée en 1817. Hein. Ça, c'est des visionnaires. Donc, il n'y a que 700 ans, finalement. Donc, ça peut le faire. Ça peut clairement le faire. Hein. Ça, voilà, ça a été créé 500 berges avant l'invention du vélo. Visionnaire, vraiment. Donc, bravo, hein, bravo. Et encore une fois, en attendant, je pense que toutes les personnes qui ont aidé à la naissance de la cité paloise, eh ben, en attendant, dans leur tombe, ils doivent se dire, bah, voilà, travail bien fait, quand chaque année, Christian Prudhomme t'annonce l'étape du Tour de France qui débarque de Pau et qui part dans les Pyrénées. Voilà, à un moment donné. Alors, qui arrive à Pau et qui repart de Pau. Voilà. Double. Non, c'est à un moment donné, chapeau et, artiste. Et petit plus, de temps en temps, un petit contre-la-montre. Voilà. Et j'imagine, franchement, en plus, t'es Christian Prudhomme, tu vas voir les mecs chaque année, parce que l'autre, il reçoit des dossiers, mais il a une pile de dossiers comme ça, tu vois, le mec, ils savent plus quoi faire de leur pognon chez ASO, hein, tellement de villes veulent accueillir le Tour de France, et chaque année, il va à Pau, et t'as le maire qui arrive, qui dit bonjour, bonjour, alors, ça coûte 50 000 hein, pour un départ, oui, nous, on vous le fait pour 10, et le mec peut rien dire, sinon il enlève les Pyrénées, à un moment donné, il a gagné. Tu sais, les autres, ils viennent avec des piles de dossiers, comme ça, là. Et Pau, il est avec une feuille, comme ça, juste gribouillé comme ça, tu vois. Pyrénées. Gribouille, tu vois. C'est comme ça. C'est écrit 2026. Après, ils reprennent la même et ils font 2027. Voilà. Moi, c'est les municipales en mars. Hein. Moi, je suis désolé. Vous voulez être maire de Pau? Annoncez que vous deviendrez le premier maire de Pau à faire en sorte que le Tour de France vous paye chaque année pour avoir le droit de passer chez vous. Là, ça a marché. Parce que c'est raisonnable comme demande. C'est ça qui est merveilleux. Tu vas faire baisser les impôts locaux grâce au Tour de France. Mais oui, tu te rends compte, c'est fabuleux cette affaire. Guy qui me demande, vous aussi, je vois, vous avez une ration de survie. Non, nous on avait la cantine. Attends, on mangeait à la cantine. Mais après, quand tu pars en spécial, oui, t'as le petit sac, le même petit sac que les coureurs, hein, enfin que les pilotes, avec la petite ration, tes petites salades de pâtes, de thon, de riz, machin. Non, c'est bien, franchement, c'est. Autant vous dire que vous savez, de toute façon, vous commencez à nous connaître, nous, sur un événement. Ce qui compte avant tout, c'est pas la qualité de la course, c'est pas la qualité du réceptif, c'est la bouffe. Et ben, sur un Dakar, on mange très bien. Voilà. C'est... Mais sur un rallye du Maroc, on mange mieux. Sachez-le. Ah, ouais ah non, mais je me suis fait. Parce que désolé, je vais vous parler. Parlons. L'important dans le Racing Café, c'est de faire un retour d'expérience. Il y a des bifis. Alors, oula, contexte d'Ali. Non. C'est interdit, je pense. Là-bas. Mais les assiettes que je faisais au rallye du Maroc, c'est, je pense que tu montres ça à un diététicien, il fait un AVC. C'était ignoble ce qu'on se faisait comme assiette, mais il y avait tellement de trucs trop bons. Moi, en fait, tu passes de c'est vraiment un buffet à volonté le truc, hein. Donc tu passes de station en station, tu te dis, bah oui, mais c'est bon, donc je prends. Et alors, je me faisais des petits déj. Voilà, par exemple, ça, c'est une photo que j'ai prise. Voilà, donc il y a du riz, des croquettes de patates, des concombres, de la dinde et des saucisses de poulet. Hein. Et ben ça, c'est le petit-déj. Ça, c'est mon petit-déj. Ça creuse le sable. Hein. Ah ben évidemment, attends. On avait fait, et je te jure, il y avait. Et le pire, c'est que donc déjà pendant tout le rallye, les assiettes que je me faisais étaient mais vraiment innommables. Et la veille de l'arrivée, je sais pas, ils ont pris peur, ils se sont dit on a trop de stock, et ils nous ont tout mis. Et j'ai fait un truc, mais c'était gargantuesque le machin. Regarde-moi ça, regardez-moi ça, c'est ignoble. j'ai pris là, sur ce repas-là, de la soupe en entrée. Après le plat, j'ai mis. J'ai mis pâtes, purée, légumes. Trois viandes différentes. C'est steak au poivre, tenders de poulet, je crois. Et en dessert, une banane, un biscuit, un petit gâteau. C'était ignoblement bon, cette affaire. Oh là là là là. Regardez-moi la gueule du petit-déj. Au petit-déj aussi, je passais, je prenais tout. Des pâtes, de la vache qui rit, du pain, un pain au chocolat, une crêpe avec du Nutella dessus. C'était incroyable. Et franchement, on n'arrêtait pas de faire des repas. J'envoyais ça à ma copine. Je me disais, ben voilà, encore une fois, on n'a pas fait un repas correct. Mais qu'est-ce que c'était bon. Alors, au Dakar, c'est pas le cas. Dakar, c'est un petit peu plus restreint quand même, parce qu'il doit quand même faire... Ils doivent quand même faire 3500 repas à chaque fois, donc bon, faut y aller mollo, mais non, non, c'était vraiment bien. Non, franchement, c'est le syndrome du mec qui prend 17 assiettes au buffet à volonté. Alors, mais oh, c'était fabuleux, ça. Et je vous rappelle quand même que enfin, le Maroc, le Dakar, ça se fait dans des climats chauds, hein. On rappelle que quand on est au chaud, on mange moins. Imaginez, tu fais un Dakar hivernal, je te fais 9 assiettes par repas, je pense. Je mange 19 000 calories par jour et tout ce que je fais, c'est marcher dans la neige. Je fais rien de plus. C'est de la folie. C'était très très bien, franchement. Prodigieux. Moi, j'ai dit bravo. Merci le Rallye du Maroc. Je vous conseille d'y aller un jour. C'était bien. Étant difficile, je pense que je mangerai que le minimum. Juste à dire. Mais en fait, alors, le truc, c'est que t'es difficile, oui. Parce que moi aussi, je suis difficile. Mais justement, dans ces grands buffets-là, c'est des repas simples, en fait, qu'ils font, dans la majorité des cas. Donc, tu peux toujours trouver des trucs que tu vas manger. C'est pas le mec qui va arriver, qui va te dire, alors écoutez, aujourd'hui, je vous ai préparé tartare de langoustine sur son... Non, bon, ouais. C'est le mec qui... Les mecs, c'est des athlètes, hein, il faut des pâtes, du poulet, voilà. Et puis... voilà. Le mec qui t'a préparé des pâtes, du poulet, et alors vraiment, au Dakar, je crois que l'an dernier, il y a eu genre 6 jours de suite, on a tous bouffé pâtes et poulet tous les jours. Il y avait plus que ça, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais pendant 3 ou 4 bivouacs de suite, on a toujours le même menu, quasiment. Oui, mais j'ai pas mangé beaucoup. Ah non, mais d'accord, non, mais après, je dis ça... Tu manges à ta faim. Voilà, déjà tu manges à ta faim. Je dis pas que tu dois faire un grand repas. Hein. Et puis encore une fois, je vous montre mes assiettes, mais c'est pas, elles sont pas non plus en soi en termes de, elles sont gargantuesques en termes de d'aliments différents. Mais je prenais pas 250 grammes de pâtes, 250 grammes de purée, 250. Non, je prenais un petit peu de chaque. Ça fait un repas normal en termes de quantité in fine. C'est plus le nombre d'ingrédients qui est complètement ridicule. Mais voilà, c'est pas... Ah, je crois que j'ai retrouvé... Ah oui, si, alors si, alors par contre, si, j'ai retrouvé le repas gargantuesque dont je vous ai parlé. Vous savez, le repas que je vous ai dit, c'était la veille de l'arrivée, on a l'impression qu'ils avaient... Ils ont décidé de tout mettre. Bah rassurez-vous, je l'ai. Alors, attendez, je ne veux pas que vous voyiez d'abord les desserts. Donc d'abord, analysons déjà le plat. Alors, donc il y a des pâtes, hein. Très très bon bœuf, voilà, très très bon, très bonne petite pièce de bœuf, petit bœuf mariné. En dessous des pâtes, il y a du poulet. Là, c'est des frites en dessous des pâtes, parce que c'est bien. Toujours deux féculents au moins par repas, hein, c'est important. là ici, c'est de la salade de pommes de terre, des tomates. Là, c'est une tomate farcie avec du riz et de la viande. Là, c'est du saucisson. On sait toujours pas comment on nous a servi du sauciflard au Maroc. Bah ouais. Ça, c'est du pain approximativement. Oh, c'est la moitié d'un pain complet, ça. Et attention, mesdames, messieurs, les desserts. Ils sont venus avec la farandole. J'ai pris la farandole de dessert totale. C'est vraiment... C'est la diligence de dessert. Au ah, mais là, je te garantis. Il y a cookies, mousse au chocolat, tartelette au chocolat, tiramisu, glace. Et je me suis dit, attends, à un moment donné, C'est peut-être la dernière fois qu'on va t'amener à manger autant, donc vas-y, profite. Et là, autant vous dire, on s'était fait plaisir. Là, et on était contents, nous, parce qu'avec les confrères, on s'est dit, ben voilà, la veille, on avait enfin pris un repas, mais c'était correct. On avait tous un féculent, un légume, une viande, machin, c'était mais diététiquement impeccable. On a dit, ben voilà, ça nous aura pris du temps, mais on a enfin commencé à manger correctement. Et le lendemain soir, c'était terminé. C'était foutu. Il n'y avait plus rien. Donc, mon bide était en super état, encore une fois. Petite quantité par petite quantité, ça s'est très bien passé. Le racine cuisine que faisait, tout à fait, tout à fait. Non, mais alors après, on était aussi là pour bosser avant tout, hein, s'il vous plaît. Mais voilà, après l'effort, le réconfort, et visiblement, ce soir-là, j'avais besoin de beaucoup de réconfort. Voilà, j'avais fait beaucoup d'efforts, donc... fait ce qu'on a pu, voilà. Bon, les malmotos dans tout ça, parce que eux, ils ont un bon coup de fourchette, mais ils méritent, hein, clairement, ils méritent d'avoir un bon coup de fourchette. Benjamin Melot est en tête du Dakar à 2 étapes de l'arrivée, alors c'est pas la première fois que ça lui arrive, hein, mais bon, espérons que ça tienne ce coup-ci. Il a 10 minutes 08 d'avance sur Josep Pedro, et 1h14 sur Jérôme Marty, donc autant vous dire que, bon, le Dakar se joue à deux, hein, clairement, ouais. Mais il se joue à deux, et bon, Benji Melot... L'an dernier, il s'était fait piéger, donc j'espère que ça va tenir vraiment, parce qu'il fait un très très beau Dakar. Il l'a dit, hein, en rythme pur, il n'est pas au niveau de Pedro, notamment sur les pistes en cailloux. Mais il fait parler d'expérience. C'est son 7e, je crois. Je crois que c'est son 7e ou 8e Dakar. Oui, il en a fait 9. Pour KTM, en mécano. Ouais. Si et je dis pas 7, ouais, je crois qu'il est au 7e en Malmoto. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est son 9e, pardon, il en a fait 8. C'est son 9e, il a abandonné en 2018. Et depuis, il a toujours terminé. Il a toujours terminé dans sa catégorie. Mais vraiment, non, là, ce qu'il fait. Donc ça veut dire que si l'an prochain il revient sur le Dakar, il sera legend. J'allais dire, il sera en légende, ouais. Il sera Dakar Legend, puisque c'est à partir de 10 participations que tu débloques ce statut. Donc ça peut être très bien, hein, ça sera chouette. Melo premier. L'étape marathon a fait beaucoup. Ouais. La deuxième. Il a été très très bon. Il a été très très bon dans le sable. Après, Pedro, et voilà, comme on le disait tout à l'heure, le problème c'est que demain c'est une portion très roulante et Pedro va vraiment très vite. L'avantage de Melo, oui, c'est que dans le sable, il est meilleur que Pedro et il est un peu meilleur en navigation. Mais là, pour le coup, ce qui paye les 10 minutes d'avance de Melo, c'est vraiment une belle constance depuis le début de ce Dakar. Parce que Pedro, au début, on ne l'a pas vu. Hein. Il est vraiment arrivé à partir de la 4e, 5e étape à jouer devant. Faut vraiment voir comment il est demain, Pedro, parce que là, il a 7 minutes de pénalité. Et il a pris 6 minutes hier pour excès de vitesse. Ouais. Dans une DZ, et excès de vitesse justement pour essayer de rattraper Melo. Parce que Melo l'a passé dans le sable, et Pedro a fait une petite erreur, il a perdu un peu de temps, il a essayé de rouler plus vite pour revenir. Et donc les 6 minutes sont tombées. Donc il reste 10 minutes. Alors ouais, voilà, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que justement, les pénalités, ça tombe très vite. Ça, on n'en a pas parlé, je voulais juste faire une petite aparté, mais en moto... Il n'y a que 19 coureurs qui n'ont pas eu de pénalité depuis le début du Dakar. Et ils sont 94, hein, de mémoire, encore. Mm. Et en voiture, il n'y en a que 14 qui n'en ont pas. Sachant qu'aujourd'hui, non, hier, il y a eu une pluie de pénalité en moto parce qu'ils avaient un checkpoint tout en haut d'une dune qu'il fallait chercher. Ah oui. Et en fait, il y a les pilotes qui ne voulaient pas monter tout en haut en se disant je passe juste un peu à côté parce qu'elle est trop haute. Et ils ont tous pris 15 minutes. Ça, c'est pas très sympa, ça. C'est pour ça que tu regardes pareil. Là, je suis sur l'original by Motul. Tu prends. T'en as plein, ils sont à 15 minutes tout pile. Là, t'as. De Tourbé, il a pris 15. Bétis, il a pris 15 hier. Attends, on va regarder sur l'étape 10. Je crois que c'est la 10 où il y a les 15 minutes. 15. Là, il a 17, donc il a dû faire 15 plus 2. Mais ouais, il y avait un checkpoint assez compliqué et c'était 15 minutes de pénalité, tu ne l'apprenais pas. Vache. Donc à voir ce que ça donne demain parce que, je me répète, mais c'est très roulant, Pedro il est qu'à 10 minutes. En fait, le seul truc, c'est que si Pedro arrive à récupérer la route de quelqu'un, Ouais. Il va pouvoir suivre tranquillement sans se faire chier avec la navigation. Après, j'ai pas vu les départs qui part à quelle place et quand demain matin. Donc, on verra par rapport à ça. Après, Martini, voilà, le Belge Martini, troisième. Je pense que lui, il était dans le coup, hein, jeudi dernier, quand on en parlait, hein, parce qu'il était deuxième du classement, si je dis pas de bêtises. Là, il est troisième et il est à 1h14. Je pense que pour lui, c'est peut-être de la fatigue, s'il a pas eu de soucis. Hein. Il n'est qu'à 6 minutes de pénal, et les 6 minutes, il les avait déjà jeudi dernier. En fait, Jérôme Martini, il l'a dit, hein, lui, de toute façon, c'est. Il se mettra jamais en danger. Entre guillemets. Ouais. Il roule vraiment uniquement dans ce qu'il sait faire. Et donc, je pense que là, le moment où ça a commencé, parce qu'il y a un moment sur la semaine où ça a vissé quand même entre Mulot et Pedro, ils ont. Ouais. Vraiment ils ont aussi le niveau. Et je pense qu'il a juste dit, ben voilà, moi je peux pas aller plus vite, tant pis, je roule. Et parce lui, l'objectif, c'est important de finir. Je pense que Mulot, il est parti cool en disant, on va partir tranquille, on va pas faire d'erreur. Et quand il a vu qu'il. Je pense que ce qui a fait accélérer Mulot et Pedro, c'est la chute de Ginès la semaine dernière. Ouais. Et le fait de se dire, eh ben, en fait, le plus gros favori avec Mulot, il est out. En fait, je pense que les deux ont haussé le niveau en disant, bah, c'est maintenant ou jamais, parce que s'il a juste une ou deux étapes en dedans et qu'il revient après derrière, bah, en fait, ça peut vite revenir. C'est ça. Alors après, on dit que Martini, par exemple, il roule en dedans, machin. Déjà, donc, il a fini ses 4 premiers Dakar, c'est son 5e. Il est quand même, parce que c'est là ce que je veux dire, c'est que c'est très impressionnant chez les Originals Ben Motul, c'est que Jérôme Martini, il est au classement général moto, il est pour l'instant 22e. Ouais. Sur toutes les motos du Dakar. Il est 18e du général, c'est quand même fort. Ouais. Et sur les épreuves marathon, Pedro Mulot faut 11 et 12. Ouais. En général. C'est très très fort. Hein. Pedro, il fait encore 17e aujourd'hui. C'est des mal motos. Mais ouais. Où les mecs sont beaucoup plus fatigués, mais c'est là où c'est là où en fait les épreuves marathon, j'aime beaucoup. Et ça m'a vraiment. La première, j'avais bien aimé. La deuxième m'a vraiment confirmé ça. C'est que quand on met n'importe quel mec avec n'importe quelle moto au même niveau, et ben. Alors oui, les pilotes profitent sont dessus parce que ils sont pros, c'est leur boulot. Mais quand tu mets sur une marathon avec une deuxième journée, avec tout le monde le même pneu, sans assistance, et tout le monde dormir dans une tente comme si c'était des malmotos. C'est marrant, il gère mieux. Et ben en fait, les mecs en malmoto ne sont pas si loin. Et comme disait Mulot, pour eux, une marathon, c'est une journée de repos parce qu'ils n'ont pas de mécanique à faire. C'est vrai. C'est une journée plus normale. Et ils finissent, ils s'assoient et ils bouffent et ils se posent. Ils n'ont pas de mécanique à faire, tranquille. Donc pour eux, c'est vraiment une journée tranquille. Et en plus, je fais une dernière aparté sur la chaîne YouTube, mais je vous invite à regarder les dernières vidéos, surtout sur l'étape marathon, parce que vous pouvez, il y a Benjamin Mulot qui a vachement bien filmé comment c'est fait sur un bivouac refuge. Et là, en fait, vous pouvez vraiment voir ce que c'est l'esprit fraternel de moto. Ouais. Ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est-à-dire que ce que vous voyez là, en fait, les mecs, oui, c'est des champions. Oui, ils jouent des titres, ils sont payés pour faire ça, ils sont en concurrence constante. Mais dès que les mecs posent la moto et enlèvent le casque et se retrouvent sur un bivouac, eh ben ils sont tous ensemble et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bagarre, c'est très cool. Et sur un paddock de motocross, c'est exactement la même chose. C'est très familial et ce que vous voyez, et c'est vraiment cool de voir que les mecs... Après, c'est cet esprit Dakar et Rally Raid aussi, forcément. Mais il n'y a aucune rivalité et tout se passe très bien et c'est très agréable de voir des images comme ça. Quoi. Ouais, c'est vraiment fort. Hein. Non, pour le coup, c'est très très fort et ça fait plaisir. Alors, 18e, il est à 6 heures du leader, Benjamin Mulot. Il est à 6 heures du leader en moto. C'est pas mal quand même. Hein. Juste quand tu compares juste le fait que Benavides, quand il finit sa journée, il range sa moto dans le bivouac et il a 5 mécanos qui s'en occupent. Et il peut faire un peu de média, il peut dormir, etc. Ouais. Benji, quand il a terminé, eh ben, il met sa moto et puis bah, il bosse dessus. Une heure de mécanique. Et en plus, là où bah, on le voit sur la dernière vidéo, et que c'est là où on voit, n'empêche, ce que je disais, que Benjamin Mulot est une très bonne personne, c'est que ce que disait Michael tout à l'heure, qu'il a Romain Bouzigon en rookie qui l'accompagne. C'est qu'on le voit, je ne l'avais pas vu, parce que je me posais la question, mais on le voit sur la dernière vidéo. C'est que Benjamin Mulot, quand il finit, qu'il pose sa moto, il monte sa tente. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre toutes les affaires de Bouzigon, il lui monte sa tente, il met toutes ses affaires dans sa tente, il lui prépare tout. Parce qu'il sait que lui va arriver 3 heures après. Ouais. Et que quand il arrive, il a juste à poser la moto et à commencer sa mécanique, il sait que sa tente, elle est montée, Benjamin, il a tout fait. Ouais, ça c'est fort. Non, mais c'est vrai que c'est formidable. Et puis, et Mathieu qui dit merci à Benji d'avoir sauvé le Dakar de bêtises. Non, mais ça. Oui. Ça, parce qu'on n'arrête pas de vous dire que c'est un très bon mécanicien, Benjamin Belot. C'est vrai qu'on. À partir du moment où il était mécano chez Yamaha avec des prêts, chez Honda officiel, chez KTM officiel avec Sunderland pendant des années. Voilà. Et tu te dis, c'est facile de dire, il est très bon, mais comment le dire concrètement? Mais le truc, quand il arrive et que Thierry Bétis, ils sont là, il y a Bétis qui est là. Ils sont trois ou quatre de l'organisation, machin. Ils sont tous là en train. Ils démarrent la moto et en fait, la moto démarre et 5 secondes après, elle se coupe. Tu vois, chaque fois. Elle se coupe juste après, machin et tout. Ils comprennent pas. Ça démarre, ils comprennent pas. Lui, il arrive sur ses entrevues. Il vient enfin de finir sa moto, machin. Et ça, ils disent, bon, bah, écoute, désolé Benji, mais du coup, on peut pas te déranger, mais comprends pas. Ils allument la moto. La moto se coupe, il fait ouais, c'est le capteur de chute. Bah merde, et là, il déconnecte le capteur de chute. Ah oh, bah c'est marrant, la moto, elle marche. Et tu te dis, mais c'est de la folie furieuse. Et il savait, du coup, que bah, si la moto se coupe automatiquement, c'est parce que donc, ils ont un capteur sur les motos du Dakar qui, effectivement, quand tu chutes, c'est un coupe-circuit direct pour pouvoir justement éviter que la moto continue, machin, et qu'il y ait des risques en plus. Et lui, directement, à l'oreille, tac, il n'a même pas regardé le truc. Hein. Il a juste entendu, il a fait « Ok, c'est ça ». Et c'était ça. Et donc là, tu te dis... Je vous invite à voir les vidéos parce qu'en plus, là, vous pouvez voir, enfin, tu te dis que les mecs... Là, ils se battent pour gagner le Dakar en mal moto, alors que tous les soirs, ils mettent des énormes coups de masse sur des jantes. Ah oui. Alors que même moi, je n'oserais jamais mettre un coup de masse sur une jante. Parce que tu fissures, à n'importe quel moment, tu te dis, mais si ça déjante ou quoi, mais je suis mort. Et les mecs, tous les soirs, ils foutent, parce qu'en fait, il y a tellement de cailloux que ça peut plier un peu les jantes, et tous les soirs, ils en mettent des coups de masse. Alors, ils mettent contre une table, et puis bah, ils y vont comme des bourrins. Voilà. Après, ils sont là. Bon, c'est droit, oui, allez. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils rigolent, ça les fait marrer. Ouais, c'est bon, ça. Alors que les mecs jouent leur vie, faut pas oublier que les motos sont juste bridées à 160 km/h. Voilà. Et que tu sois professionnel ou mal moto, t'y vas aux 160. Tu y arrives, sans problème. Enfin, tu arrives. Bousillon a plus de mal, mais en même temps, il le fait quand même. Hein. Mais il le fait. Il dit, et je suis arrivé, j'étais sur une piste, et un coup, bip, bip, bip, putain! J'ai fait bipper la moto, il est arrivé à la limite. Non, mais c'est vraiment là pour le coup. Et après, ce qui m'a impressionné aussi sur les vidéos, c'est que tu le vois quand même réparer une ligne en forçant avec une clé à pipe pour essayer de bouger la ligne. Et après, tu te dis que c'est là où c'est un mécano de dingue parce que il sent que la ligne touche un peu trop, que ça fait un peu trop chauffer. Et qu'en fait, il se dit, bah, il faut que je la plie. Bon, bah, il la plie trop, il la casse, il est obligé d'en racheter une nouvelle. Mais. Parce qu'en fait, lui, il avait idée. Ce qu'on disait un peu la semaine dernière, c'est qu'il y a un camion KTM, il y a un semi-remorque KTM qui est dans le bivouac et qui est truffé de pièces. Ils ont toutes les pièces pour plein de trucs. Ils peuvent aussi faire du dépannage. Et donc, en fait, bah, des pilotes qui ont des KTM, comme Melo qui roule pour Esprit KTM, en fait, il va directement là-bas, il demande les pièces. Et en fait, il les paye. Enfin, la facture est envoyée au magasin. C'est ça, à son magasin. Donc, la facture est envoyée à Esprit KTM et c'est eux. Enfin, ou alors c'est eux qui payent. Enfin, bref, c'est leur truc. En fait, ils payent tout. Et donc là, il a un problème de ligne. Et ben, il est ressorti avec 1 200 € pour juste un bout de ligne. Hein, c'est même pas l'échappement. Donc, ils s'en sortent comme ça. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est là que c'est très. Les malmotos ne peuvent pas faire d'erreur, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 personnels de l'organisation qui sont là pour regarder ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, quand Benjamin Melo a un souci, il va les voir en disant « Voilà, j'ai un souci, est-ce que dans le règlement, je peux faire ça ?» Parce que forcément, ils n'ont pas le droit d'être aidés, ils n'ont pas le droit d'assistance. Et quand il va voir le camion KTM, il y a un mec de l'organisation qui est avec lui et qui regarde tout ce qu'il fait et qui dit « bah ça, non, ça, il ne peut pas le faire ». Il y a que, par exemple, je crois que c'est que les suspensions. Oui, il a fait faire un truc chez KTM, je crois que c'était une... Oui, il a refait son amortisseur. Ouais, ça, il a refait ça. Tout ce qui est suspension amortisseur, ils peuvent les donner à des préparateurs parce que eux ne peuvent pas le faire directement en malmoto. Oui, ils n'ont pas le matos. Ils n'ont que 2 ou 3 exceptions et tout le reste, s'ils sortent de leur zone malmoto pour aller faire quelque chose, il y a un mec de l'organisation qui suit. Et c'était drôle parce que quand il était allé chez KTM, quand il refait une jante justement, il est arrivé, Mais il avait besoin d'outils supplémentaires, donc il est allé dans le camion KTM, mais c'est lui qui a fait le boulot. Et ouais. Regardez bien, effectivement, qu'il passe pas le, il passe pas la jante à quelqu'un. Non, non, c'est normal aussi. Hein. Il faut un règlement, parce que si tu parce que ça, le problème, c'est que si tu ne le réglementes pas assez fort, tu auras forcément les mecs qui vont venir en mal moto, mais qui vont donner là, les trois quarts des trucs à faire aux mecs de chez KTM dans le camion. Enfin, tu vois. Ah bah oui. Hein. La nuit, tu vois rien. Tu glisses une roue, voilà. Un truc. Le mec il te la rend le matin. Ouais. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu dois. Enfin, ce qui est bien pour ceux qui arrivent tôt. C'est que tu as en plus un horaire auquel tu dois donner ta moto, enfin tu dois donner tes pneus déjà, ton choix de pneus, tu dois les faire marquer. Tu dois mettre ta moto sous la bâche à un certain temps, c'est-à-dire que tu peux même pas, imaginons, tu as une étape catastrophique, tu peux même pas mécaniquer toute la nuit. Non, genre à 22h, 23h, elles sont bâchées, et tu dois, et le lendemain matin. Elles sont alignées dans l'ordre de départ bâchées, ouais. C'est ça, et c'est le lendemain matin seulement que tu viens, tu prends ta moto et tu peux repartir avec, donc c'est pas facile, hein, Dakar en mal moto. Après, évidemment, tu passes en général moins de temps à remettre en état une moto qu'un buggy ou un ultimate, hein, donc c'est sûr que c'est plus facile. Les mecs sont en mal moto et que t'as quand même Benjamin Melot qui va avoir les classiques en disant c'est vous les tarés du Dakar. Oui, parce qu'il y en a en classique, je crois que c'est, je me demande si c'était pas les frères Campos avec les R18, il y en a qui font le Dakar en Renault R18 break. Et les mecs sont mal moto en voiture. C'est-à-dire qu'en plus d'être déjà sur le Dakar avec une R18, eh ben ils ont toutes les pièces dedans et c'est eux qui se démerdent. Là, ils sont deux. Et tu te dis, mais putain, les gars, mais arrêtez. C'est pas possible, ça. À quand les mâles SSV pour les bâcher la nuit? Ah oui, ce serait tellement bien. Oh là là là là. Oh, un couvre-feu. Il faudrait faire le couvre-feu que pour les SSV, en fait. Oh là là là là. Oh, et malheureusement, deux SSV seulement ont rallié l'arrivée. Quel dommage! Oh là là là là! On a tous pu dormir! Parce qu'à mon avis, les SSV, dès la première étape de Dune, il y a les trois quarts du classement qui se fait éliminer à cause du couvre-feu. Donc, non, ce serait fabuleux. Mais non, c'est. Encore une fois, le Dakar, c'est une aventure à vivre et on essaye de vous la faire vivre un peu comme on peut ici, en vous parlant des résultats, en vous parlant de l'expérience aussi sur place. Il reste deux jours dans ce Dakar 2026, c'est très serré en auto, c'est excessivement serré en moto, donc autant vous dire que ça va être, ma foi, encore une fois, fort sympathique à suivre. En stock, c'est pas fini. Hein, en véhicule dérivé de la série. Rokas Basiuska est toujours en tête avec son Defender, il n'a que 3h59 d'avance sur Sarah Price, avec un autre Defender. Que 6 heures sur Ronald Basso avec un Land Cruiser. Et que 38 heures d'avance sur Stéphane Peter Hansel. Moi, j'ai vu quelques Dakar dans ma vie. Tant que Peter n'est pas à 48 heures à deux jours de l'arrivée, je me dis que c'est toujours possible. Voilà, je ne sais jamais. Bon, 38 heures. C'est lui qui se retourne dans le canyon. J'ai pas vu qui c'était. Ah, j'ai pas vu, merde. J'ai vu une vidéo et en fait, un diff qui arrive tranquillement. Tu sais, t'es un peu pâteau là, poup, poup, poup, poup, et puis d'un seul coup, en fait, t'as un énorme canyon, et ici, hop, à la voiture, tu sais, ça commence à pencher, hop, bah, ça passe, et sur le toit. Écoute, vu qu'il m'a pris 24 heures de PIT, je pense que c'est lui. Hein. Ouais, il y a malheureusement moyen que ce soit lui. Donc c'est formidable. Hein. Mais non, c'est très très fun quand même, ce Dakar en stock. Mais voilà, Defender va le gagner, ce qui est, j'ai envie de dire, encore heureux, parce qu'on m'a expliqué, je pense qu'on l'avait dit la semaine dernière, le budget de Defender qui est assez colossal. On vous a montré le château de Yazid. Hein. Bah, Defender, c'est pas loin. Ils ont une hospi là-bas, mais c'est de la folie. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que salut à tous. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le camion, enfin la baraque à frites du Dakar, ils se sont mis pour la journée de repos à côté du camion Defender. Et donc t'as le village Defender, hein, et puis à côté t'as la baraque à frites. T'as plein de tout Dakar. Ce qu'on disait, un Defender, maintenant, c'est devenu une marque. Hein, si ah bien sûr. Les mecs, ils sont là, ils veulent vendre des voitures en Arabie Saoudite, hein, de toute façon. Oui, ah non, mais clairement. Le Diff, il est fait pour ça. Donc, ils veulent récupérer la concurrence, enfin, ils veulent jouer la concurrence avec tout ce qui est Class G ou Toyota, le Land Cruiser, etc. Et ben, les mecs, ils mettent le pognon et ils montrent. Ils sont là pour vendre des bagnoles, hein, de toute façon. Ah, mais bien sûr. Eux, c'est pour montrer. Encore une fois, la catégorie stock, elle est parfaite pour eux. Hein. C'est de pouvoir dire, bah voyez, voilà, notre Defender, il a fait le Dakar. Bah vous pouvez acheter le même. Voilà. C'est quasiment le même, évidemment. On sait que c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas mal. Donc non, c'est une catégorie qui va, à mon avis, qui va commencer. Ça peut donner des envies à certaines marques. C'est ça. À un moment donné, en fait, tu vas. C'est toujours cyclique, hein, le marché de l'automobile. Là, effectivement, tout le monde est à fond sur les SSV. Il y aura de toute façon de nouveau une demande. Tu peux même, une idée folle, mais Dacia peut très bien mettre un Bigster tranquille, bien sûr. Juste pour vendre encore des bagnoles. Hein. Mais bien sûr, mais là en fait, tu vas retrouver des envies de véhicules, d'aventure vraiment. Et quel meilleur véhicule d'aventure que celui qui gagne le Dakar ? Oui. Moi je veux dire, là aujourd'hui tu me dis, Michael, du coup, faut que tu partes faire un trek ou machin et tu pars dans la savane et tout, bah je vais prendre un Defender, je vois que les mecs ça a l'air de bien marcher quand même, hein. Donc voilà, tu mets un Land Rover, tu mets un Toyota Land Cruiser qui marchait très bien à l'époque. Maintenant c'est con, mais même si Dacia gagne le Dakar, bah vu que la voiture n'a rien d'une Dacia, oui, ça donne, enfin, mais après ça a toujours été en auto. Bah pas tant, enfin récemment. Fut un temps, les voitures ne ressemblaient à rien de toute façon. Bah là je trouve que c'est encore pire, hein. Mais quand tu regardes il y a 20 ans, quand c'était Mitsubishi qui gagnait avec les Pajero, alors évidemment c'était des vraies voitures de course, elles étaient modifiées, mais elles avaient un look qui, tu te disais quand même, c'est un gros Pajero, mais bon, tu peux t'imaginer acheter un truc similaire. Et j'adorais le logo PlayStation à côté. Voilà, alors que franchement les époques où c'était les mini buggy qui gagnaient le Dakar, excuse-moi, mais enfin là, un buggy mini, bon, bah pourquoi pas, hein, c'est, voilà. Est-ce plus ou moins ridicule que les actuels qui sont des mini countrymen sur des châssis de Monster Truck ? Ça, la question mérite d'être posée, évidemment. Mais quand t'avais toute l'époque, on va dire des débuts du Dakar jusqu'à 2006, 7, 8, 9 environ, c'était encore des voitures normales, entre guillemets. T'entends des buggy, des machins, mais quand t'avais le Volkswagen qui roulait et tout, enfin voilà, c'était un gros Volkswagen, mais tu pouvais le retrouver dans la gamme, quoi. Là, aujourd'hui, Dacia, bon, bah, le Sunrider, excusez-moi, c'est un péricube. Et puis voilà, quoi. Donc, tu retrouves pas la même chose dans la gamme Dacia. Pareil avec le Toyota, ils appellent ça Toyota Hilux, bon, oui, il ressemble vite fait à un Hilux, mais bon, c'est plus vraiment la même chose, quoi. Donc, alors que quand Robbie Gordon faisait le Dakar en Hummer, eh ben voilà, le Hummer, il était à peine modifié. Le Hummer, tout le monde connaît. Voilà. Il était à peine modifié et il roulait très bien. Et il aurait pu le gagner, le Dakar, avec un Hummer. Rendez-vous compte. Ça aurait été fameux. Il y avait aussi de la Formule E ce week-end. Deuxième manche de l'année à Mexico City. Alors là, je vous avoue que j'ai pas vu grand-chose. Donc bravo à Nick Cassidy et bravo à Citroën. Parce que ça, quand même, chapeau. Deuxième course en Formule 2, première victoire du Citroën. C'était un peu bordélique. J'ai pas vu grand chose, mais j'ai quand même vu que c'était le bazar. Bah, à partir à Cassidy, par quoi 13 ? C'est ça. Il partait loin. Mortara aussi, je crois. Et voilà, ça a encore été une course où il fallait réussir à bien gérer. Sébastien Buemi, qui partait de la pole position, ne s'est pas aidé en loupant complètement le premier virage, puis en crevant un peu plus loin dans la course. Mais voilà, c'est la Formule 2 d'aujourd'hui. En fait, ça reste. Alors après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, parce que c'est l'une des rares catégories où tu peux assez régulièrement partir loin et quand même jouer les premiers rôles, machin. Et donc je peux comprendre que certains se disent, oui, mais du coup, les qualifications ne servent pas à grand-chose. Je comprends l'idée. D'un autre côté, je me dis que c'est un peu rafraîchissant, dans notre période actuelle, d'avoir un sport mécanique où, bah, effectivement, tu peux partir loin, et tant que tu vas bien gérer ta course et bien mener ta barque, les dépassements ne sont pas un problème, donc tu peux, même en partant 15-16e, légitimement espérer une victoire, parce que tu auras le meilleur rythme de course, parce que tu vas gérer, tu vas. Donc tu as quand même ce côté un peu intelligence qui joue. Après, partir loin et gagner, ça implique aussi de ne pas avoir été pris dans des crashs. Et donc à un moment donné, là effectivement, c'était compliqué, notamment avec Dacosta qui a fait un petit strike au début de la course. Ça devait être compliqué derrière pour ceux qui étaient aussi impliqués là-dedans, mais il faut les réussir à les éviter, et Cassidy a fait ça très très bien. Ça fait victoire, enfin podium et victoire pour Citroën dans leurs deux premières courses. Au championnat, je me demande même s'il n'est pas en tête. Il est en tête, oui, 4 points d'avance. Hein. Cassidy qui est déjà en tête, oui, du championnat avec 40 points et 4 points d'avance sur Jake Dennis. Ouais. Donc Jake Dennis qui avait gagné la première course lui à Sao Paulo, donc franchement ça va être encore sympa. Et puis ce qui est bien, c'est que là ils ont repris un calendrier un peu formuleux, justement. Miami, c'est fin janvier, le 31 janvier. Après, il y aura Jeddah en février, Madrid en mars. Enfin, voilà, on a encore des courses. Le gros problème reste qu'évidemment, il y a une course à Madrid en mars. Et puis, il n'y a plus de course jusqu'à Berlin en mai. C'est-à-dire que le mois d'avril, ils font l'impasse. Bon, c'est quand même dommage. Ça aurait été bien de rouler un peu tout le temps. Et oui, Cassidy fait partie des meilleurs pilotes en nombre de victoires en Formule 1, bien sûr. Bah, il en gagne tellement depuis quelques temps, là, puisque lui, il est très constant, hein, Nick Cassidy. Il en mériterait un titre, je pense. D'aller chercher un titre, ce serait mérité pour lui. Hein. Oui, Miami, ce sera sur une partie du circuit de F1, le Miami Autodrome cette fois-ci. C'est plus sur l'ovale de Homestead Miami comme l'année dernière. Les Krakitus, mesdames, messieurs, si j'ai l'autorisation d'y aller, hein, je pose toujours la question, mais je pense que ça va. Allons-y, Krakiton. Madame, monsieur, bonjour. Qui sont tes Krakitos, mon cher A? Alors, j'en ai mis plein. Mais bon, ça, forcément, j'ai mis la doublette Melo-Bouzigon comme la semaine dernière. Tout, hein. J'ai mis Charlie Herbst pour sa blessure et le fait de ne rien lâcher, de continuer. Parce qu'en plus de ça, il ne perd pas tant de place que ça. Hein. Il est toujours dans des... Bon, normalement, il devrait être un cran au-dessus quand même. Mais il est dans le coup. Il joue la 30e place, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est dans les 30e. Donc, bravo à lui. J'ai mis Adrien Van Beveren. Parce que là, bah forcément, victoire d'étape et aujourd'hui encore une grosse course. Malheureusement, il a perdu beaucoup de temps en début du Dakar. Il le paye aujourd'hui, mais est-ce que ça, c'est ce qui a permis de le libérer, de se dire bah, au pire, j'ai plus rien à perdre, je tape dedans. Donc, belle course de sa part. Et bah, justement, David Castera, quand même, petit craquito pour avoir dit au SSV de fermer leur gueule. Ça. C'est notre warrior, David Castera. Moi, j'en ai mis un Nasser Letty, hein, parce que bon, il est quand même très très bon sur ce Dakar, encore une fois. Et puis le duo, il y a Mathieu Serradori, Loïc Minaudier, parce que voilà, ils ont. Eux, c'est. En plus, c'est. J'ai utilisé le mot rafraîchissant pour la Formule 2, et c'est la même chose, c'est-à-dire que voilà, ils cachent jamais leurs émotions, ils te les montrent. Quand ils sont frustrés, ils sont frustrés. Quand ils sont contents, par contre, ils sont très contents, et voilà, et c'était très émouvant de les voir gagner. Et ça faisait vraiment plaisir, donc c'était chouette. Ah oui. J'avais pas compris, petit Jean qui dit c'est bon, vous pouvez revenir. Bah oui, c'est vrai. Tu vas voir que d'un coup, paf, Gazou et Manu vont arriver. On parle plus du Dakar, c'est bon. Ça va être bon, ça sera très bien. Qu'est-ce que vous nous avez mis sur X anciennement Twitter? Bah allons voir ça tout de suite, évidemment. On est bien gentil. Ça va charger, encore une fois, rassurez-vous, on a la fibre ici, donc ça va charger dans les 45 minutes qui viennent. Hein, ne vous en faites pas. Tac, tac, tac, qu'est-ce que je vois en Krakitus? Fibre mancelle, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça, c'est dans les. La fibre mancelle dans les Alpes mancelles, c'est bien compliqué cette affaire. Mathieu Serrado et Loïc Minaudier pour leur victoire d'étape, effectivement. Jojo Zarco qui a eu la gentillesse pour ses adversaires de ne pas faire le Dakar. Qu'il est gentil, Jojo. Krakito à Sanders qui roule avec une clavicule cassée. Mais ça va plutôt bien sur le plan en ligne droite. Bah, tout va bien alors, ça va, parce que finalement à Dakar, c'est certainement que de la ligne droite hein, et que du plat. Voilà. Donc tout va bien. Krakito pour Hugo Choukou qui a dominé la première manche de Formule Régionale Océanie. Je rappelle qu'on est très déçus. De la Formule Régionale Océanique est devenue le Formula Regional Oceania Trophy, donc le frotte, alors qu'avant c'était le Championship, donc le froc. Voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans les résultats, parce que ça m'intéresse plus. Bon, le championnat m'intéresse plus du tout. Jorge Prado et Max Hansi pour leur performance Supercross. Je regarde juste Axel, oui, les noms n'ont pas l'air inventés, c'est bon. Alors, non, Hansi gagne en 250, il fait une très belle course. Vraiment très très belle course de la part d'Hensti en finale. Et Prado qui fait troisième. Pareil, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, Prado, parce que bah, l'an dernier, il a été blessé dès le début avec la Kawasaki. Ensuite, la saison le côté motocross a été très compliqué. Il a eu des échauffourées avec les mécaniciens. Parce que forcément, les Américains n'aiment pas trop les Européens. Du point de vue sport, les Européens sont très mal vus aux États-Unis, surtout quand ils gagnent. Autant les Australiens, ça passe, mais les Européens, tout ce qui est... Il n'y a que Roxane qu'ils ont accepté, mais tout ce qui est... Le Français et les Espagnols, ils n'aiment pas du tout. Ah ouais. Donc, il y a eu des échauffourées, ouais, parce qu'ils disaient... Souvent, Prado disait que c'était un problème de moto, et en fait, à la fin, les mécanos, ils ont commencé à en avoir plein le cul en disant, bah, en attendant, avant, on avait Thomas qui n'a jamais eu de soucis, avant, on avait Villopoto, il n'a jamais eu de soucis, toi, t'es là, et il y a des problèmes. Donc, du coup, il est retourné chez KTM. Qu'il avait en MXGP. Et donc, il fait troisième. Il fait une très belle course. Mais alors, pareil, les États-Unis, c'est dingue. Parce qu'ils ont des normes au niveau des décibels, comme chez nous. Mm-hmm. Mais elles sont encore. Les normes décibels sont encore plus dures qu'en MXGP, par exemple, ou à notre niveau, je crois qu'ils ont 2 décibels de moins. Et Prado a pris une pénalité. Parce qu'ils font des tests sonos au début et à la fin de la course. Et à la fin de la course, il était plus dans les taux décibels acceptables. Donc du coup, tu dis bah il va être disqualifié, tu vois. Non, il a pris juste 3 points en championnat. Voilà, c'est bien. Si c'est que ça. Les mecs, ils vont tous rouler sans peau. Donc oui, et après, sinon, en, en 450, c'est Thomas qui gagne sur la KTM aussi. Hein. Il est fraîchement arrivé chez KTM. Il fait une très belle course avec Roxen qui finit à 2 secondes de mémoire avec la Suzuki. Donc vraiment les deux. Et après, Prado, de toute façon, il était à 26 ou 30 secondes derrière. Hein. Donc ils sont vraiment partis tous les deux roue dans roue. Donc ça va être très intéressant de les voir parce que, en fait, c'est. Moi, j'avais dit Roxen qui gagnait, mais bon, il finit à 2 secondes de Thomas. Je pensais pas que Thomas allait être aussi bon dès le début avec la KTM, sachant qu'il a fait bosser KTM. Il a énormément fait bosser KTM. Ils ont tout changé. Hein. KTM qui a été les premiers à avoir mis des embrayages hydrauliques et à fonctionner là-dessus. Mais KTM, ça fait l'embrayage hydraulique, ça fait 15 ans qu'ils doivent le mettre facile. Et ben Thomas qui est arrivé, il dit bah moi je veux un embrayage à câble. Et ben ils ont mis un embrayage à câble. Juste parce que c'est Thomas. Et sachant que la KTM c'est déjà quasiment le moteur le plus puissant des 450, lui il a dit bah c'est pas assez, j'en veux plus. Donc non, franchement, ouais, bah, c'était une belle course, c'était sympa. On a juste une grosse blessure de Barcia et je suis très impressionnante de Barcia et Malcolm Stewart en finale. Mmh. Il y a eu drapeau rouge, ils sont repartis après. En fait, le problème souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils te mettent tout de suite un triple dès le départ quasiment. Mmh. Et le problème, c'est que Stewart n'a pas sauté le triple. Parce qu'il a pas pu, mais Barcia l'a sauté et du coup il a atterri dessus. Oh, ah merde, ouais, ça c'est. En fait, sur quand du coup Stewart lui fait un double et après il arrive sur la dernière bosse et du coup il l'enroule. Oui, sauf qu'en l'enroulant, bah, en fait il y a tous les mecs qui arrivent qui eux sautent les trois. Oh, donc ah ouais. L'accident est très impressionnant. Barcia, je crois qu'il s'est cassé quelque chose. Je ne sais plus quoi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il s'est cassé quelque chose. Stewart, ça a l'air d'aller. Mais bon, en parlant du coup de Barcia, les Ducati ont très bien fonctionné. Ah. Avec Ferrandis et Barcia, justement, ils ont très bien roulé en hit. Et Ferrandis, ça fait une très belle finale. Il était quatrième. Et je pense que manque de physique, un petit peu peut-être, parce qu'il a dégringolé après. Je crois qu'il finit 7-8 de mémoire. Mais franchement, ouais, Ducati a montré qu'ils étaient présents et ça va être intéressant. De toute façon, là, le Supercross, c'est tous les samedis soirs. Jusqu'au mois de mai, tous les samedis. Oui, je crois qu'ils ils ont que un week-end où ils roulent pas, je crois. Moi, je rajoute un craquito. Oui. J'allais dire si j'ai le droit, mais en fait, oui, évidemment, j'ai le droit, j'ai tous les droits, c'est chez moi. Mais Craquito, je tiens à préciser, Craquito, je sais qu'il sera sujet à potentiel polémique. Je reconnais, Craquito polémique. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire comme polémique, mais moi, juste en lisant ça, j'ai envie de dire un grand oui avec ce que je vois sur Insta. Parce que ça me fait bien marrer. Voilà, parce que, en fait... Je viens de tomber sur une vidéo du Dakar, et donc c'est pour saluer le community manager ou les community managers certainement du Dakar, où en fait à l'arrivée, donc voilà, ouais, arrivée d'étape, il y avait Nasser Al-Attiyah qui était avec Fabien Lurquin, son copilote belge, en disant voilà, on va faire des frites, hein, j'ai envie de faire des frites, je vais couper les frites et tu vas les cuire, et ensuite ils ont mis ça. Et en fait, polémique, pourquoi? Parce que c'est de l'IA, voilà, et je sais que donc il y a plein de gens qui vont dire nanana, c'est génial, franchement, c'est très drôle, mais d'un autre côté, très flippant, parce que autant l'IA, tu peux facilement la trouver, autant là, bon, alors il y a des l'IA signes, s'améliore de plus mais en plus. Mais hein. C'est terriblement bien fait quand même. Hein. Mais après, c'est vrai que les CM de la page Insta du Dakar, oh, mais ils sont géniaux. À mourir de rire. Hein. Chaque soir, ils te sortent des vidéos avec plein de refs à la con. La vidéo, celle que je t'avais envoyée avec les chats dans le buggy, mais moi, ça m'a foutu les larmes parce qu'en fait c'est ce que j'aime regarder tous les jours et ils arrivent vraiment à surfer sur les tendances. Là tu sens que c'est pas du CM de boomer, c'est vraiment bien, ils s'y prennent vraiment très bien, ouais. Non, parce que quand tu vois ça, voilà, bon, c'est extrêmement drôle, voilà, évidemment c'est de l'IA mais c'est très rigolo. Hein, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Écoutez, malheureusement, on va devoir y passer. C'est très très drôle de faire ça comme ça. Mais oui. À un moment donné, voilà. Je suis contre, évidemment, les utilisations, on va dire, un peu touchy de l'IA. Avec donc, voilà, quand tu fais de l'IA dans le but de nuire, donc pour créer des fausses images, des fausses informations, tout ça, évidemment, ça c'est un très grave problème. Mais enfin, effectivement, comme dit Marie-Jean Balek, la personne qui est allée sur Sora, hein, ou quoi que ce soit, et qu'a tapé Nasser Al-Attiyah en tenue d'Asia Sunrisers en train de couper des pommes de terre, bon, bah lui, il n'y a aucun problème, je veux dire. À un moment donné, je le salue. C'est, tout, c'est très bien. Par contre, voilà, les, tous les trucs avec les campagnes électorales faites à l'IA maintenant, ça, ça va être imbitable. On est d'accord. Mais et le vrai souci, et ça, tu vois, c'est que le doute commence à s'installer. Parce que là, ben, j'ai vu Al-Attiyah couper ses frites, j'ai eu un instant de doute quand même. Ouais, en fait, le truc, c'est que là, tu sais pas si tu peux plus savoir ce qui est vrai ou pas. Ou alors, sinon, il te faudrait. Bon, autant quand tu utilises Sora, tu vois, tu as la petite pastille sur la vidéo, mais les outils, non. Ou alors, sinon, il faudrait vraiment un filigrane qui se mette automatiquement pour dire généré par IA. Mais c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que là. C'est pas de me dire ah oh, j'ai failli me faire piéger, tu vois, ils le disent tout de suite hein, dans le commentaire de la publication que c'est de l'IA évidemment, voilà. Mais ce qui me gêne, c'est de me dire que moi qui suis quand même assez au fait du truc, je peux commencer à douter et je commence à douter, et donc là tu te dis toute la frange de la population qui n'est pas et honnêtement j'allais dire qui ne s'y connaît pas en informatique, même quand tu t'y connais en informatique, enfin c'est pas non plus, tu vois, c'est, et t'as une énorme partie de la population qui peut facilement se faire avoir. Et là, on va avoir des vrais gros problèmes. Désolé pour le racing gauchiste qui vient de commencer, mais là, on va avoir de vrais énormes soucis. Encore une fois, là, tout dépend de comment c'est fait. Quand c'est Donald Trump qui fait ses trucs à la con en IA sur Truth Social, bon, voilà. J'ai vu une vidéo de Trump et de Maduro danser ensemble, c'est très rigolo. Ah non, c'est très rigolo, mais le mec est un boomer de toute façon, hein, donc c'est formidable. Mais par contre, quand t'auras. Quand tu vas avoir des. Puisqu'on va y arriver. À un moment donné, quand t'auras des comptes. Enfin, des comptes. Quand t'auras des personnalités, on va dire. Des mouvements extrêmes et tout ça qui vont commencer à ne faire que de la désinformation. Je rappelle quand même que ce sont des gens, tout l'extrémisme aujourd'hui et surtout de droite, on rappelle que tu ne peux déjà pas les battre en leur affrontant des arguments déjà. C'est les mecs qui ils arrivent et disent non mais vous savez, le sentiment d'insécurité, le machin, et hop, et tout de suite, tac, tu peux plus débattre avec eux. Mais alors quand ils vont arriver avec des images fausses, que tu vas leur dire vos images sont fausses, et qu'ils vont répondre voyez, c'est ça qui va mal avec ce pays. Vous débattez de la véracité des images, alors que moi, je ne fais que voir des images qui rassemblent le sentiment des Français. Et là, c'est foutu ! C'est terminé ! Ça serait, là, tu auras perdu ! C'est terminé ! Non, mais ça, Slim, voilà. Après, Slim nous dit, quand on générera une vidéo de Ferry qui a un titre, là, ce sera grave. Oui, mais, encore une fois, là où ça peut créer un piège, c'est quand c'est plausible. Donc, on saura très bien, on va voir. Hamilton, il n'y a pas Sahin et faire « Ouh, on sait que c'est de l'IA, merci !» On met ça sur le côté. Bon, mais voilà, quand tu mets des trucs plausibles, alors, comme la 33e d'Alonso... Tu sais ce que je veux voir, là ? Si Nasser, il gagne, je veux que le CM du Dakar, il aille le voir le samedi, après son podium, et il dit « Maintenant, je vais te filmer pour de vrai en train de me couper des patates. » Ce serait très bien. Il arrive sur le... Il arrive... Non, il arrive. Il coupe les patates sur le podium et il les file à la friteuse qui va arriver plus tard parce qu'eux, ils arrivent, ils finissent au Dakar avec un cornet de frites. Donc voilà. Mais ce serait fabuleux, ça. Ce serait exceptionnel. J'aimerais beaucoup. Je comprends pas. Clippé, Quanto, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui passe, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Hold El Paso ? Non, José. Non, mais là, je suis perdu de ce qui est en train de se passer. Là. Je comprends pas. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Je vois le chat et il y a des messages où je me dis, mais attendez, en fait, c'est moi qui a dit ou pas ? Voilà, en fait, j'ai passé aussi par 45 trucs. Le premier, c'est attendez, c'est bien mon chat. Là, le deuxième, c'est ils ont bien la même émission que celle qu'on est en train de faire. Des fois, je me dis, ce serait drôle d'ailleurs. Et là, non, il faut faire une doublette. Non, mais j'allais dire, il faut pas le dire, mais évidemment, c'est hilarant. Là, si vous êtes malin, le chat, si vous êtes malin. Rassemblez-vous à 4 ou 5, mettez-vous d'accord pour commenter un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Vous foutez une vidéo YouTube et vous la commentez. Et là, le chat ne ressemblera à rien. Pour que le CM Dakar obtienne l'info. Ah oui, bah envoyez ça à @DakarRally, évidemment, n'hésitez pas. Et voilà, ce sera fabuleux. On parlait juste avant de parler des craquitos de Blue Sky, évidemment. Je tiens à vous rassurer, il me semble que la baraque à frites est toujours en lice. La ch'tifriterie, pardon. Est toujours là. Je recherche juste si elle est encore dans le classement. Oui, la team ch'tifriterie secours populaire. 46e du classique. Ils vont finir par faire une catégorie l'an prochain, food truck. Bah, le gros problème, c'est que cette année, ils sont deux. Je veux voir tous les food trucks possibles. Ils ont engagé deux baraques à frites cette année. Et en fait, la seule règle, c'est t'engages ce que tu veux, on s'en fout. C'est juste que le soir, tu dois faire à bouffer. Voilà, t'engages ce que tu veux, mais tu t'engages, toi, à faire un repas à la fin de la première étape, à la journée de repos et à la fin du rallye. Parce que là, autant vous dire que la fin du rallye... Parce que la friterie, évidemment, ils font pas à manger tous les jours. Parce qu'imagine, t'es original, va motule. Tu te tapes les SSV toute la nuit. Hein. Et en plus, t'as l'odeur des frites. Tu salives toute la nuit. À un moment donné, personne ne peut finir le rallye, c'est normal. Donc ils font les frites qu'à la fin de la première étape, à la journée de repos et à la fin du rallye. C'est ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, bah, tu es obligé à le faire. Et tout le monde le fait. Et là, t'as un grand final du Dakar avec des food trucks partout. Là, on serait très bien. Et j'ai la bonne nouvelle aussi de pouvoir vous annoncer que Thierry et Laurent Campos sont toujours en lice également avec leur Camposienne, qui est la Renault R18, qu'ils ont fait eux-mêmes. On rappelle qu'ils sont toujours en lice, contrairement à Daniel Schröder, qui a abandonné après 3 km dans le prologue sur Blue Sky. Parce qu'on rappelle que quand même, nous, sur Blue Sky, on est à peu près le compte qui fait encore vivre la plateforme. Hein, donc on va s'attendre à ce qu'ils nous reversent des petits dividendes à un moment donné. Les craquitos pour Mathieu Baumel et Guillaume de Mévius, malgré les difficultés, parce qu'ils tiennent effectivement depuis là. Ford à la TIA, Serradori et Minaudier, Cassidier et Citroën pour Victor Lipri de Monaco. De Baumel de Mévius à la TIA, Benji Melo et Ivry Hyundai et Toyota. On est en train de faire une vraie armée de gens pour Benji Melo. Hein. Et c'est très bien. Et ça va se terminer en message, en DM Instagram après le Dakar, et il va venir nous en parler. Hein. Je pense que ça va se terminer comme ça. Hein. Craquito pour Tassimo, l'or XL Intense qui va permettre de suivre l'événement Red Bull cette nuit. Alors, ça aussi, l'événement Red Bull cette nuit. L'événement Red Bull. Non, l'événement Ford, déjà. Là, tu vois, Poppy fait de la résistance. Abus de langage. C'est pas l'événement Red Bull, c'est l'événement Ford Racing. Les informations pour vous. Les scoops pour vous. L'événement commence à 1h heure française. Voilà. Donc c'est dans un petit peu plus de 2h30. Voilà. D'après les informations que j'ai reçues, les livrées Racing Bulls et Red Bull seront présentées à 4h du matin. Les news maintenant, on va... voilà. Donc, voilà. Je me suis dit... Je me sentais obligé de vous le dire. Je voulais pas que vous soyez piégés. Voilà, parce qu'on a eu, on était au bureau tout à l'heure et on a eu une pensée, on s'est dit, mais attends, parce que nous, tous les médias, on le sait, on a des horaires, des machins, on a des embargos, des trucs. Mais, alors, non, ne demandez pas, non, on n'a pas les livrées sous embargo. Ça, ils savent que c'est trop risqué. C'est les premières livrées 2026 qu'on va avoir quand même, donc ça, rassurez-vous, elles seront dévoilées à l'instant T. Mais comme c'est un truc Ford, on a d'autres infos, voilà. Mais et donc là, on a vu 4h du matin, mais t'as plein de gens lambda qui le savent pas que c'est à 4h du mat et qui vont arriver à 1h, vont dire casse-couille, mais bon, ils vont sûrement mettre la F1 en début. Ouais, bah non, 1h30, 2h, 2h30. Donc bon courage. Hein. Ah oui, il y a des lives Red Bull et Racing Bulls sur YouTube. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont fait le même live pour les deux ou un live pour l'un, un live pour l'autre? Parce qu'évidemment, les livrées ne seront peut-être pas données au même moment, j'imagine. Non, je réponds rapidement à Contexte Zanny pour la baraque à frites roulante. Elle roule à l'huile de friture, oui. Elle est 80% oui. Essence et 20% huile. Tout à fait. Donc Red Bull, c'est à 4h du matin qu'ils mettent leur live. Et Racing Bulls YouTube, c'est à... enfin, Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, évidemment, hein, on les salue. Le live est à 4h aussi. Oh là là là, parce que on s'est dit, à 4h, ils vont évidemment montrer la Racing Bulls. Et ils vont attendre celle d'après. Voilà. Un bon petit 4h20, 4h30 pour la Red Bull. Donc voilà. Oh là là, ça va être long. Ils la présentent où? À Détroit. Aux États-Unis. Ah ouais, ok. Ouais. Ah bah c'est oui, vraiment... Duke. Ils sont dans le truc Ford, ouais, ils sont vraiment inclus dans le Ford Racing. Mais donc, et c'est logique, Ford va d'abord présenter tout Ford Racing, donc tout ce qui est Dakar, je dis tout ce qui est, mais il n'y a pas non plus tant de projets. J'imagine qu'il y aura des trucs sur l'hypercar qui arrive l'an prochain, pour les 24 heures du Mans et pour le WEC, tout ce genre de choses. Et après, c'est leur client, entre guillemets, Racing Bulls et Red Bull, qui vont arriver là. Et oui, Slim, c'était peut-être pas si mal le F1 75. Tout à fait. Tout à avec fait. Avec tout en même temps, là. Voilà, très bien. Mais ouais, c'était très bien, ça. Hein. Voilà. Ah, ben c'est toujours pareil, hein. On sait ce qu'on gagne, on sait pas ce qu'on perd. Mais oui, Charles a une bonne idée sur YouTube. Très, très bonne idée. Voilà une nouvelle idée marketing pour Motul. T'as d'un côté du bivouac les Originals by Motul, et de l'autre les Friteries by Motul. Ah oui, un gros, bah oui. Et les cuisent à l'huile Motul. Ouais. Ici, bon, évidemment... Le blanc de bœuf Motul. Exactement. Alors évidemment, après, si tu bouffes ça, bon, ben... Bah, courage, mais... ça, ils sont basés où, Motul Voilà, à un moment donné, voilà. Moi, encore une fois... Si vous avez besoin d'idées, comptez sur le public du Racing Café. C'est très important. Voilà, ils sont à Aubervilliers. Bah, franchement, ouais, ça va, ça se fait. Tiens, à Aubervilliers. Mais ça se fait, allez. Dès demain, petit raid chez Motul pour leur dire, on a une idée. Le marketing, vous n'allez pas vous en remettre. Un blanc de bœuf 100% synthèse. Oh merde. Oh là là. Oui, mais c'est ça. Oh, et on va leur demander de cuire leurs frites au blanc de bœuf vegan. Et tu vas leur dire une seule contrainte, démerdez-vous pour inventer le truc. Là, vraiment. Et là, parce que t'en as des malins, ils vont arriver avec de la végétaline. On va goûter la frite, on va faire. C'est pas du blanc de bœuf, ça. Même vegan. Non, non, non. On veut le goût. Démerdez-vous. Citation de Michael, on sait ce qu'on gagne, on sait pas ce qu'on perd. Je crois qu'il est fatigué. Ah oui, non, mais. Oui, un petit peu. Un petit peu. Je reconnais, d'ailleurs, je viens de trouver mon merdolino. La semaine est longue, croyez-moi. Oui, Michael Calabrese aussi dans le chat YouTube. Faire des sablés avec le sable du désert. Oui, oui, oui, un concours de sablés. Voilà, on va vous relancer le Dakar. Alors, la vraie question, c'est de demander à SO si vous pensez qu'ils ont besoin que le Dakar doit être relancé. Mais en tout cas, c'est encore une phrase très française que je viens de faire, je crois. Allez, les news. Parce que je crois qu'il faut que l'émission se termine dans les 9 prochaines minutes. Sinon, ça va être inaudible. Je vous le dis tout de suite. Bon, les news vont aller assez vite, hein. Rassurez-vous, c'est l'avantage. C'est que, bon, on est toujours au mois de janvier, hein. Il n'y a pas non plus énormément de trucs. Mais ça y est, je tiens à dire, Axel, que tu avais oublié une équipe dans les livrées MotoGP. Oui, j'avais pas fait gaffe. Parce que, en attendant, on a 3 équipes qui ont présenté leur livrée. Et dans les 3 équipes qu'on prend en livrée, pour l'instant, il y a un seul changement, c'est une couleur parmi toutes celles-là. Parce que Pramac, ils sont arrivés, ils ont fait bonjour, bah, c'est la même. Hein, c'est pour... Alors, voilà. Non, je suis très déçu d'ailleurs, parce que. D'ailleurs, je voulais limite mettre un merdolino pour ça, mais bon. C'est que, en fait, la livrée, bah, c'est l'équipe, c'est Pramac, et sur la moto, t'as plus Pramac. C'est vrai. Ils l'ont enlevé. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Le Pramac est immense, mais il n'y a plus le Pramac. C'est le problème quand t'as Prima en sponsor principal et en plus Alpine. Ouais, mais le Pramac a disparu et ça m'a fait mal au cœur. Ben ouais, ben c'est sûr que c'est une marque quand même qui a marqué possible. Bon après, l'avantage c'est qu'il reviendra quand... Pramac c'est un peu comme Tech 3 quoi, les mecs, ils sont là depuis très longtemps et... Non, mais le Pramac reviendra sur la moto quand ils n'auront plus de sponsor, c'est l'avantage. Alors ils ont sur les combinaisons le Pramac qui reste. Non, et ils l'ont sur les... Ils l'ont sur le. Alors, je sais pas comment expliquer. Sur l'avant, de chaque côté de la bulle. T'as ouais, super, hein, tu vois à peine. Bah oui, mais enfin, excuse-moi, t'es sur une moto de Jack Miller et de Toprak. Elle va passer plus de temps dans les graviers que sur la piste, excuse-moi, c'est pas mal. Je suis content. Non, mais du coup, ça sera rien, on verra pas. À un moment donné, au moins au départ, et le Pramac est sur le garde-boue avant. Alors, excuse-moi, mais à un moment donné, énorme exposition médiatique pour Pramac, s'il vous plaît. C'est pas rien. Donc voilà, effectivement, ils ont dévoilé la même moto. Ensuite, VR46 a dévoilé la même moto, mais ils ont changé le blanc par du noir. Bon. Et puis Aprilia a dévoilé la même moto. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur une séance de dévoilage de livrée assez peu géniale. si je puis me permettre. Bah, de toute façon, après, Yamaha, ils vont pas changer. Ça va être la non, même. Ça va être encore la même Monster, ouais. KTM, ils vont pas changer non plus. Non. Parce que c'est leur DA. On verra juste Honda s'ils ont décidé de faire un truc encore plus moche ou pas. Oui, Honda, apparemment, ils ont prévu de la changer un peu. Bah, y a intérêt, parce que purée. Bah, je rappelle, en fait, le gros problème, c'est qu'ils ont prévu de la changer un peu. Ils sont Castrol Honda et il n'y aura toujours rien de Castrol. C'est toujours. C'est une catastrophe. Non, par contre, je salue Toprak, qui a quand même. J'aime bien le fait qu'il n'a pas le numéro 7, il a le 07. Comme Devizioso à l'époque avec son 04. Voilà. Donc c'est juste marrant, je trouve ça sympa. Le logo, la typo de son numéro est assez sympa parce que, à un moment donné, quand les livrées ne changent pas, il faut regarder ça. Hein, voilà, nouveau pilote, donc tac, nouvelle typo. Voilà, on regarde un peu ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Victor Martins qui a été confirmé chez Alpine en endurance. Alors ça, quand même assez surprenant, non, parce qu'on s'y attendait, mais c'est vrai quand tu dis qu'il a fait toute sa carrière en junior chez Alpine et qu'il revient chez Alpine maintenant qu'il est Piet Williams. C'est assez rigolo, puisqu'il va donc rester chez Williams en tant que pilote de développement. Alors ça, par contre, Williams, bon, ok, vous gardez Victor Martin, c'est très bien, bravo, super. Par contre, dans le communiqué de presse où ils ont annoncé qu'il restait, chez Williams, en gros, donc c'était mardi matin, je crois, Alpine a annoncé donc que Martin allait en endurance. Et dans la foulée, Williams nous avait confirmé qu'il restait chez eux et qu'un communiqué allait arriver. Et le communiqué est arrivé dans l'après-midi pour expliquer qu'il devenait donc pilote de réserve, pas de réserve, pilote d'essai et de développement. Donc c'est pas le pilote de réserve. Et sauf qu'en fait, il est pilote d'essai et de développement et il rejoint deux autres pilotes qui avaient le même rôle. Alors déjà, tu te dis, bah, formidable, voilà, hein, deux pilotes de simulateurs déjà chez Williams. Et alors, il faut que je retrouve, il y a quand même. Tac, tac, tac, que je retrouve ça, attends. Oliver Turvey. Alors, Oliver Turvey, pour vous donner une idée, hein, bon, il a 38 ans. Est-ce un rôle d'avenir? Je ne sais pas. Et il rejoint Harrison Scott. Pour moi, Harrison Scott, c'est un mec qui est dans une équipe continentale en cyclisme. Hein. Et là, pour vous montrer à quel point on n'est pas non plus sur le pilote du siècle, peut-être, même si je ne le présume pas de tout ça, c'est quand tu tapes Harrison Scott dans Wikipédia, enfin dans Google, pardon, le premier qu'on te propose, c'est un joueur de hockey. Ouais. Donc déjà, tu te dis, bon. Et quand tu vas sur sa page Wikipédia, Harrison Scott est un ancien pilote automobile britannique. Faut autant dire que heureusement qu'ils prennent Victor. Ils ont de retraite en fait chez Williams. Voilà, c'est donc ça va être un peu compliqué. Mais donc voilà, c'est assez bon. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est très bien pour Victor qui va disputer la saison en endurance chez Alpine. On ne sait pas encore dans quelle voiture. Hein, on ne sait pas quel sera le trio. Mais donc chez Alpine, maintenant ils ont leurs 6 pilotes puisqu'ils ont confirmé tout à l'heure Ferdinand Habsbourg qui était de retour. C'est donc Martin Habsbourg. On aura toujours Charles Milesi. On aura Antonio Félix da Costa. Ça m'en fait pour l'instant 4, ce qui est déjà fort bien. Fred Makoviecki. Et le sixième qui est. Attends, je les ai tous ou pas? Attends. Martin Smeko, Milesi, Da Costa, Habsbourg et Jules Goudon, je suis con. J'oublie quand Jules tu regardes, sur le papier, je ne l'associe pas encore assez Alpine, alors que ça fait 2 ans. Ils ont un sacré line-up quand même quand tu regardes sur le papier. Ah, ils ont des très très bons pilotes. Bah, non, c'est ça incroyable. Pour le coup, ça, c'est des équipages qui vont encore une fois très très vite, peu importe comment ils vont les mettre, parce que non, c'est des pilotes de grand talent. Et puis quand tu regardes même ceux qui partent, hein, en soi, quand t'as Paul Louchotin qui était là, et Mick Schumacher qui était aussi diablement rapide, Alpine, ils mènent bien leur barque, et on va voir ce que ça va donner. Et c'est assez chouette de se dire que Victor Martins va rouler contre Théo Pourchaire, puisqu'ils seront tous les deux chez les constructeurs français, qui avaient gagné le titre en F2 pour Art Grand Prix il y a quelques années. Voilà, c'est sympa de les voir progresser aussi, parce qu'en attendant. Pour beaucoup, ça peut être vu comme c'est dommage, il fera pas de F1, machin. Ouais, mais en attendant, c'est une progression. Il devient pilote pro. Alors là, c'est ce que j'allais dire, on en parlait la semaine dernière, on faisait vraiment le distinguo de fait de dire que t'es un pilote pro avec un contrat, avec une usine, avec un constructeur, et t'es pas juste à faire des coups d'éclat par-ci par-là et essayer de survivre. Ouais. Et aussi, mesdames, messieurs, quand même formidable, c'est que, Mikael Jensen est chez McLaren pour l'an prochain. Parce que McLaren annonce déjà ses pilotes pour l'année à venir. Donc, Mikael Jensen sera le premier des pilotes McLaren en hypercar. On rappelle, hein, ils auront aussi à avoir au moins 6 pilotes, puisqu'il y aura 2 voitures à engager. Hein, c'est l'obligation WEC désormais. Zero qui dit Alpine en WEC, mais il peut plus que Alpine en F1. Oui, mais alors le problème, c'est que quand l'Alpine en F1 elle va claquer le meilleur temps des essais de Barcelone à huis clos. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Mais je rejoins, Wario Zero, je suis d'accord avec lui. Mais ça, du coup, ça me donne envie de suivre le WEC en direct. Parce que souvent, des fois, je regardais juste des résumés ou des trucs comme ça. Et je pense que regarder 2-3 courses en direct, ça peut être sympa. Ah non, c'est cool le WEC. Après, il faut. Le WEC, il faut. Comment dire ? Ce qui est pas mal avec le WEC, c'est de. De regarder surtout. En fait, quand tu veux débuter, regarde surtout les fins de course. Quoi, parce que c'est vrai que tout le début, le machin, en fait, c'est que. Oh, ça, tu sais. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'en fous. Oui, mais comme t'en as beaucoup qui viennent qui disent « Oh, mais c'est long, oh, c'est machin. » Ah ben, oui, comment, mais non. Commencez par la dernière heure ou la dernière heure et demie, parce qu'il y a souvent des safety cars qui rechangent un peu le truc, machin, qui rebousculent, et voilà. Et puis à un moment, vous vous direz « Bon, bah voilà, je me suis fait les 1812 km du Qatar en direct. Bon, bah très bien. c'est vrai. Il y a qui dit « Oh, c'est alors. » Hein, t'attends les 24 heures de Daytona, t'attends un petit peu, et puis voilà. Ah oui, bah, je vous rappelle, les 24 heures de Daytona, ça commence le samedi. Vous les regardez à partir de dimanche 19h. Voilà, c'est pas honteux. Largement. Ah là là, oui, Michael, on y croit. Moi, je pariais plus pour une 21e et 22e place lors du premier Grand Prix, mais c'était la faute du moteur Renault. Mais on est. Encore une fois, c'est dommage, je suis désolé de vous le dire, mais si Mercedes est largement au-dessus de la concurrence, les Alpines, elles vont rentrer dans les points faciles, hein, peu importe leur niveau. C'est ça le problème. Donc, moi, si le moteur est bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Il faut espérer que ce ne soit pas le cas, mais bon, ça risque d'être le cas comme ça, malheureusement. Dernière news, j'ai eu une photo tout à l'heure, du coup, vu que Red Bull est chez Détroit actuellement, j'ai mis une photo où Liam Lawson a fait du motocross aujourd'hui. Il a roulé avec Marvin Musquin. Bah, j'ai vu que Isaac Hadjar a roulé avec le Ford Raptor de Mijuetri. Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Verstappen a roulé dans la Ford M-Sport de Sébastien Ogier. Il s'amuse avec Ford, en fait, c'est bien. Et ben, Lawson a fait du motocross. Enfin, je l'ai vu en tenue. J'ai vu une photo en tenue avec Musquin, donc je pense qu'il a roulé. Ben surtout que pour mettre une tenue de motocross et tout, bon, faut y aller, quoi. Hein. T'as toutes les protections, les machins. Juste pour faire une photo, c'est un peu beaucoup. MG qui dit FIA WEC TV ou l'équipe pour suivre le WEC, à votre avis ? Eurosport ? Ouais, j'allais dire, ouais. Il y a trois chaînes hein, qui diffusent le WEC. Mais alors, il y a la WEC TV. Oui, c'est vrai que t'as les manches par abonnement sur WEC TV. Alors, en fait, le truc, si tu veux, la réponse, en fait, quand tu poses la question entre WEC TV ou l'équipe, par exemple, malheureusement, la première réponse à apporter, c'est. Si tu veux le regarder gratuitement, l'équipe. Déjà, c'est con, mais ça compte. Voilà, ça compte un peu. Sinon, après, effectivement, WEC TV qui diffuse toutes tes manches, t'as Eurosport aussi qui diffuse toutes tes manches. Parce que l'équipe, le truc, c'est que je crois qu'ils diffusent pas toujours tout en direct. Enfin, après, t'as l'équipe live aussi sur le. Sur non, le site. Des fois, ils font des coupures, ils vont te diffuser 2 heures. Après, t'auras rien pendant 2 heures, et ils vont te reprendre les 2 autres heures. Ça dépend des programmes qu'il y a. C'est ça. Quand t'as une grosse journée. Alors là, c'est moins le problème parce que la saison commence fin mars, mais quand ça commence en février, ben, tu vas voir. Parce que vu que maintenant ils ont live 1, live 2, live 3, live 4, live 5, est-ce qu'ils mettent pas en intégralité sur une chaîne? Ouais, c'est possible. Satellite. C'est assez possible. Je sais pas du tout là pour l'instant. Je t'avoue que je n'ai pas trop de nouvelles là-dessus. On dit Lindblad a pu rouler en GT40 et en RS200 aussi. Putain, et... belle vie quand même les pilotes de F1 c'est quand même fameux. Voilà, bon bah c'était les newsettes hein, c'était voilà, on rappelle hein, moins mais mieux, c'était notre créneau de l'année dernière, ce week-end bah, le Dakar hein. Et puis encore de la frotte et tout ça voilà, et de la frotte et de la fromec formule régionale Moyen-Orient avec Jules Roussel notamment qui sera présent, et ça la formule régionale Moyen-Orient c'est fait partie de ces championnats hivernaux qui sont très intéressants à suivre comme justement la formule régionale Océanie parce que bah, c'est là en fait où tous les Européens vont pour s'entraîner oui du fromette pardon pas de la fromec du fromette évidemment c'est un trophy aussi maintenant c'est plus un championship donc voilà c'était formidable c'est un week-end encore light et puis à partir de la semaine prochaine c'est le Zbeul mesdames messieurs puisque je vous rappelle juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche que le week-end donc, qui arrive est assez terne, je ne conteste pas. Le week-end qui suit, Rallye Monte Carlo, 24 heures Daytona. Voilà, allez, démerdez-vous avec ça. Donc le Racing Café dans 2 semaines sera assez long. De toute façon, encore plus, il y aura eu des essais de F1 aussi. Je ne sais toujours pas ce qu'on pourra vous en dire. Ça, c'est le gros problème, je n'ai pas d'idée. Mais bon, on verra bien ce qu'il en sera. Allez, remettons des prix. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles. Les Murderleaders de ce week-end, bah là, il n'y en a que un dans notre liste. Qu'est-ce ouais, moi j'en ai pas, Excel. J'en ai pas. Non mais moi je... Rien de particulier, à part au niveau du Dakar, franchement, pas grand-chose. Moi je vous avoue que j'en ai un, mais je vais d'abord regarder les Merdolino de X en 28 heures. Alors, il y en a un qui est un merde de nous, mais surtout une question sur Cadillac. Pourquoi présenter une livrée pour des essais qui sont à huis clos? Oui, c'est assez fort de se dire que je crois que toutes les équipes seront obligées d'avoir une livrée camouflage ou livrée carbone ou quoi que ce soit pour les essais à huis clos. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? On s'en fout. On peut rien voir. c'est prodigieux. Et on a eu un Murder Linus pour Sébastien Boibi. C'est vrai qu'il a pas fait une course exceptionnelle ce week-end. J'ai pas vu. Il y avait un Krakito. Remettez-le dans les Krakito avant. Mais il y avait Victor Martins. On nous avait donné un Krakito justement. Pardon, je l'avais pas vu. Murder Linus, sinon, pour les rumeurs F1 qu'on va passer sur les réseaux. La saison n'est pas encore commencée. J'en ai déjà marre. En même temps, je suis désolé, mais il se dit que la Mercedes aurait 4 dixièmes d'avance sur Red Bull. Source Volvic. Donc non. C'est prodigieux. Berdolino a Boémi pour le tout droit au départ et Tiktum pour le drama autour de son commentaire. Oh là là, mais c'était terrible. Ça, il a encore dit des conneries à la radio et il a commenté en disant mais vous êtes tous des branleurs et nanani et nanana et patatif. Enfin, bref, d'un Tiktum à un moment donné. Hein. Mais moi, mon Berdolino, je le remets à moi. Parce que je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai pensé tout à l'heure, mais la fatigue, là je sais pas ce qui m'arrive. Hein, mais... En fait, je suis à la fin de ma semaine. Hein, globalement, moi, il faut comprendre que je commence ma semaine le samedi et je la finis le mercredi. Bon, bah là, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, je bossais en plus, tu vois. Et donc, très, très fatigué, et je sais pas, depuis le début de la semaine, je les accumule, les petites conneries, les petites couilles, les machins, les coquilles, les trucs, tout ça. La phrase de tout à l'heure en est l'exemple. Et il m'est arrivé le truc, parce que là, on fait l'émission, c'est rigolo, c'est très bien, elle a failli ne pas avoir lieu, l'émission. Hein, parce qu'à un moment donné, je suis allé prendre mon train. Bon, je suis allé au quai. Je suis rentré dans le train. Je me suis mis à ma place, indiqué sur mon billet, voilà. Je m'installe. J'attends que le train démarre. Le train part à 18h15. Oui, 18h15. Non, 17h15. Le train part à 17h15. À 17h13, il y a un monsieur qui vient et qui me dit « Bonjour, vous êtes assis à ma place. » Bah non. Non, regarde, c'est marqué 330 sur mon billet. C'est ma place. Bon. Et là, le mec me montre son billet et c'est aussi marqué 330. Et là, je vois sur son billet, je lui dis « Ah oui, mais c'est pas le bon train, monsieur, parce que vous, c'est, il part à 20 et le mien, il part à 15. » Et là, il me fait « Non, non, mais c'est celui-là qui part à 20. » Et là, je me lève et je vois le panneau, il est marqué 17h20. Donc, j'étais dans le mauvais train. Là, je ne sais pas par quel miracle, je sors, le train que je devais prendre était heureusement sur la voie d'à côté et il est encore ouvert. Je suis rentré genre 20 secondes avant qu'il ferme les portes. Donc, parce que sinon, là, je serais à Nantes actuellement. Hein. Autant vous dire que l'émission, ça aurait été compliqué. Et je me dis, heureusement que c'est passé comme ça, parce que je vous jure que le moment où les portes se ferment, le train part, je me dis, oh, déjà, je me serais dit, tiens, il y a 5 minutes de retard, c'est embêtant. Et le moment où il dit « Mesdames et messieurs, bonjour, vous avez pris place dans ce TGV, nous, il y a destination de Nantes, il ne fera pas d'arrêt. » Comment? Quoi? Pardon? Allô? Ça aurait été affreux. Moins affreux, toutefois, que le moment où le contrôleur serait arrivé. Il aurait bipé mon truc, il aurait dit « Vous n'êtes pas dans le bon train, 125€ d'amende, allez. Vous avez pris le billet, monsieur. » Tu te trompes et là, ah bah vous fraudez monsieur, c'est pas le bon billet, hop là. Parce que, et là tu dis, bah non mais je me suis trompé de train, dit, oui, eh, on la connaît, hein, vous achetez un billet pour Le Mans, vous savez très bien que le train pour Nantes sera sur la voie d'à côté et vous payez moins cher, on vous connaît monsieur fraudeur. Donc voilà, il faut toujours être très, très vigilant là-dessus, surtout que moi il aurait pu faire pire parce que moi c'est avec mon abonnement de train, et mon abonnement me donne l'accès qu'à une ligne. Donc on peut dire, on vous connaît, hein, vous avez pris votre abonnement de train et vous rentrez dans n'importe quel train pour aller faire le tour de la France gratos. Ah, pas à moi, monsieur Duforest, pas à moi. Et comme par hasard, vous êtes trompé de train. Voilà. Et comme par hasard, vous allez aussi à Nantes. Mais oui, mais bien sûr. Et vous allez me dire quoi? Vous avez de la famille à Nantes peut-être? Non, je vous jure que non. Bien sûr que non. Et bien... ouais, voilà. Donc heureusement, tout est bien qui finit bien, mais je dois vous dire que... Et c'est bien qu'elle se termine la semaine. Hein. Là, c'est... on va profiter du vendredi. Hein, on va... Fou. Ça va être bien. Enfin, je dis ça, demain à 9h, interview de Victor Martins pour AutoHebdo, je vous spoil un petit peu, mais j'espère juste que je vais pas faire « Eh ben aujourd'hui, avec Théo pour cher, bienvenue Théo !» Non, c'est pas lui. Oula, oh, pardon. Donc, voilà. Faut être solide sur les appuis. Hein. Par contre, une fois l'interview terminée, là, vous n'entendez plus parler de moi jusqu'à samedi. Hein. Là, autant vous dire que c'est extinction des feux, machin... Si vous me voyez faire un vol d'avion demain, je peux faire un pari Lisbonne, et je vais soudainement partir vers Washington. Hein. On est tout à fait dans ces possibilités-là. Faut pas s'inquiéter. Écoutez, 22h50, ça me semble être une bonne heure pour terminer. C'est plutôt que d'habitude, mais c'est bien aussi. Voilà. On y va. Alors on a parlé des Malmotos, c'est pour ça. Le projet, on l'a vendu la semaine dernière. Mais c'est ça. Mais on continue, évidemment. Si vous souhaitez nous financer pour ce projet monumental, n'hésitez pas, hein, évidemment. Vous avez nos contacts. Hein, allez nous envoyer un petit DM sur Insta et on y répondra volontiers. Évidemment, on vous rappelle que l'engagement pour faire le Dakar coûte un bon petit 38 000 euros. Hein, donc voilà. Plus le prix d'un SSV. Bon, on va se démerder et on ira faire le Dakar avec le A l'année prochaine et ce sera très bien. Merci Axel d'avoir été là, c'était fun. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous eh bien, jeudi prochain. On vous parlera de la Red Bull et de la Racing Bulls. On parlera du Rallye Monte Carlo. On parlera du Dakar. On parlera de plein de choses. Ça va être comme toujours sympa. C'est le Racing Café en 2026. Écoutez, moi je suis désolé. Troisième semaine de 2026. Troisième Racing Café. On est sur du 100%. C'est toujours formidable. On verra jusqu'à quand ça va tenir. Évidemment, la bonne nuit tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.